Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Podcastination, les intermittents du podcast. Alors pour cette nouvelle émission, on va s'intéresser à un large sujet, un très long sujet jeux vidéo, puisqu'on va s'intéresser à la saga Pokémon. Donc Pokémon, les Pocket Monsters qui existent depuis maintenant 96 au Japon et 99 en Europe. Et pour le coup, il y a quand même énormément de choses à dire sur le sujet. D'un petit jeu qui n'avait finalement pas intéressé énormément les gens à sa sortie, qui a vu son intérêt grimper tout au long de l'année 96. Alors pour le coup, et là je ne suis pas seul puisqu'on a une vraie équipe de dresseurs, on va dire, Ouais, au moins. au moins ça, pour parler du sujet. Donc on va commencer avec Gallium. Bonsoir Gallium. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, je parle un peu du nez, mais bon, on va faire avec. Très bien. Alors, la petite question pour commencer, toi, tu as commencé avec quel épisode? Alors, la version rouge. La Donc, version rouge, ouais. la première génération sur Game Boy. Pour nous accompagner également, ben, un invité qui commence à prendre ses aises à son micro, c'est-à-dire Kurita. Salut Kurita. Bonsoir, bonsoir. Donc, pareil pour cette émission dont j'espère tu vas nous dire beaucoup de choses Oui, sur le parce qu'on sujet. parle du on parle du meilleur jeu du monde, donc c'est normal. Suite, fanboy. C'est vrai, c'est vrai. Fanboy. Et tu as commencé avec quel épisode, hein? Pokémon Jaune, j'avais 6 ans. Voilà. Très bien, donc aussi pareil, première génération. Ouais, aussi, ouais. Ah donc tu as commencé vraiment dès le début aussi, toi. Bah, dès le début Bah, un an après, quoi. voilà, l'édition jaune, l'édition Pikachu. Ouais. Un petit nouveau qui nous rejoint également ce soir, c'est Lugar. Salut Lugar. Yo, salut. Toi, du coup, tu as commencé avec quelle édition, Moi, quel j'ai jeu? commencé avec Pokémon Bleu Day One. Day One. Day One. À peine plus vieux que Kurita à l'époque, mais Day One. D'accord. Je Ah savais oui, où oui. j'allais direct. Hein. Ah, Ah vous étiez petit jeune, ouais. ouais, C'est c'est vrai. ça. Et forcément, pour m'accompagner également ce soir, mon acolyte depuis le début, c'est-à-dire Toon Toon. Salut Toon Toon. Salut tout le monde, salut Romain. Et bah, je te posais également la même question. Sur quel épisode as-tu commencé à J'ai jouer à Pokémon? commencé avec Pokémon Rouge, la meilleure version. Ça Commence tout de fait. suite. Voilà, Voilà. c'est fait. Allez, au Ça prend revoir. déjà. Et On peut arrêter le podcast. j'avais 12 ans. Oh le vieux. Le double. Ah Ah mais attends, mais moi d'accord, j'avais ah merde. 14-15, mec. Ah, Le ah coup de non, vieux. le double quand il a commencé jaune qui est sorti après quand même. Hein, donc. Mince. Enfin, là, je me sens vieux. Bah pour le coup, moi je me rangeais derrière Gallium, parce que moi j'avais commencé avec la version bleue Ah, également. Après, on sent le clivage. Hein. le pire c'est qu'après je l'ai changé avec la version jaune, et je pense qu'au final j'ai pas forcément. T'as Non, pas fait le bon choix. J'ai t'as pas pas fait le fait le bon bon choix. choix, non. Non. Mais bon, voilà, c'est la nouveauté. On voulait tester aussi la nouveauté avec notamment le Pikachu, donc voilà quoi. Je pense qu'on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet, puisque Alors, finalement. on peut, je te coupe Ouais. Romain, vite fait, mais on peut avoir aussi une petite pensée pour Oui. Chikao, qui Eh devait être oui. avec nous ce soir Qui nous et a quittés, qui est tombé au combat, a quitté. Qui ne peut pas être là avec nous ce soir. Ah On oui, pense très fort à lui. on est. Ouais, c'est pour le coup. Il aurait aussi pareil tant de. Il a quand même pas mal de choses à nous dire sur la série, mais on le retrouvera sur le En même temps, podcast. il va peut-être nous économiser 2-3 heures de podcast. C'est Donc ça. ça, C'est c'est. pas Voilà. faux. C'est pas faux pour la planète, ça peut être pas mal pour l'électricité Voilà. et la taille disque, quoi. Non, je plaisante, non, forcément. De toute façon, il sera avec nous parce qu'il. Donc on l'avait entendu Skao sur le podcast Kirby, mais c'est aussi un grand fan de Pokémon, mais il sera avec nous pour le podcast, pour le test que l'on fera. On fera une émission spéciale pour le test de Pokémon X et Y, puisqu'il aura forcément des choses intéressantes à dire sur le sujet. Donc voilà, de toute façon, on le retrouvera aussi sur d'autres émissions, mais dommage, on n'a pas pu il n'a pas pu être avec nous ce soir. Donc, RIP. voilà, RIP Ça, pour Chaos. RIP in peace. C'est ça. Alors je vous propose tout de suite, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la. Donc faut déjà commencer en disant que les Pokémon, on parle notamment des Pokémon, on va en parler ce soir aussi comme ça, par génération. Alors les générations, pour faire simple, ça correspond aux générations de consoles sur lesquelles les jeux Pokémon sont sortis. On parlera forcément, on parlera principalement des jeux de la série principale, donc les jeux qui sont sortis sur les consoles portables, mais Avec des noms de couleurs et de cailloux. Voilà. voilà, tout à fait. Et même si noir et blanc, c'est pas une couleur, mais ça ne nous dit Oh. pas. X et Y non plus. Oui, c'est Non vrai. plus. Ah oui, non, mais on a dit qu'on le faisait après Ouais, mais celui-là. bon. On va le laisser pour après, ouais. Mais on s'autorisera aussi à parler des Pokémon, des épisodes annexes qui ont pu sortir aussi bien sur console de salon que sur console portable. Donc, Pokémon rouge et bleu, alors que l'on connaît au Japon, qui est sorti au Japon sur les couleurs rouge et verte. Donc, il est sorti au Japon 27 février 1996. Aux États-Unis, il est sorti 1er septembre 1998, donc plus de 2 ans, 2 ans et demi même après la sortie japonaise. Et en Europe, c'est carrément 3 ans et demi après la sortie japonaise. Donc il y a quand même déjà un énorme écart entre les sorties sur les différents territoires qui, on le verra au fur et à mesure de l'avancée du podcast, qui va se résorber au fur et à mesure des sorties. Alors, on peut peut-être commencer. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer, vous, à Pokémon? Parce que je sais que, par exemple, Lugar, tu parlais du fait que tu avais acheté Pokémon Day One. Eh oui, et moi j'avais le magazine Nintendo, hein, le magazine Nintendo que j'ai sous les yeux avec son formidable test. Propagande. C'est ça, Parle-nous de ce test. 99% à l'époque, hein, 99% à l'époque, 89% en graphisme, 95% en jouabilité et 99% en durée de vie quand même. Hein. Ah. La durée de vie, c'est pas la note ouais. graphisme. 100% d'hyperbole. Ah ouais, c'est ça, et c'est un test qui donnait envie. Et déjà à l'époque, c'était marqué pour le type herbe, hein, donc plante, ces bestioles-là se révèlent rarement pratiques. Donc au final, c'était pas si mauvais hein, comme magazine. On peut commencer en parlant un peu peut-être de la structure du jeu qui ressemble, en tout cas le début est quasiment est tout le temps le même, c'est-à-dire qu'on doit Ouais. choisir. Donc on va voir son professeur qui, donc dans cette première version, était le professeur Chen, et qui nous donne la possibilité de choisir entre trois Pokémon. Donc trois types de Pokémon qui sont les mêmes types, c'est-à-dire il y a type eau, alors là c'était Carapuce, type plante, il y avait Bulbizarre, et type feu, c'était Salamèche. Donc vous par exemple, lequel aviez-vous choisi pour commencer l'aventure? C'est la mèche, évidemment. Ouais, Carapuce, je crois. Carapuce aussi, ouais. Bah moi j'ai pas eu le choix, j'étais sur jaune. Ah ouais, Ah ouais, pas de bol. Pas de bol. J'ai dû prendre Bulbizarre, le meilleur je pense aussi. Ah ouais. Carapuce, c'est le Je suis meilleur. passé Ouais, dans le camp Bulle Carapuce. Bizarre avec le temps. Oh là là. Carapuce, statistiquement, apparemment, c'est le meilleur. Bah ouais. Ah. Oui, mais c'est la mèche quand même. Ouais, non, ouais, ça la mâche est cool. Moi, je l'ai pris Oui, pour puis XY. Carapuce c'était aussi le, on va dire c'était le plus facile Le plus facile, c'était Bulle Bizarre, techniquement, en fait. Ouais, mais pour le début, pour est-ce que Pour le début, ouais, pour les premières, le deux premier premières les heures, deux c'était ça. premiers même. Le premier champion, Et c'était champion c'était Pierre, c'était des Pierre, Pokémon. Puis même sur les quatre avec son premiers, il Raikou ou était son même X. efficace, hein, parce que comparé à Carapuce, il était Le bien plus deuxième, c'était apte. qui? C'était Ondine? Ondine, Ouais, non? deuxième, c'était Ouais. type eau, donc vu qu'il est type plante, ça allait. Le Ah oui, troisième, forcément, type électricité, électrique, il s'en fout, le type plante. ouais. Et pour le quatrième, type plante, il avait pas de faiblesse. Alors, Carapuce avait une faiblesse là aussi. Donc, Carapuce, c'était la voie du milieu. Et donc on partait une fois qu'on avait récupéré ce Pokémon. Alors il faut pas oublier qu'il y avait forcément le rival. Eh oui, que tout le Alors monde a appelé par une insulte ou un truc comme ça, évidemment. Enculé, moi, c'était. Ouais, c'est ça, c'est. Enculé. Ouais. Enculé apparaît. Ouais. Ouais, et Petit puis en plus homophobe. Enculé veut se battre. Ou le nom de quelqu'un qu'on n'aimait pas. Voilà. C'est ça. Et donc, alors c'est marrant, je crois que c'est pour ce jeu-là en version japonaise. Donc le héros s'appelait. Donc pardon, le rival s'appelait Shigeru, donc référence à Shigeru Miyamoto. Et le héros que l'on jouait, il s'appelait Satoshi, donc Satoshi comme le nom du créateur du jeu, du concept Pokémon, Satoshi Tajiri. Alors ensuite, donc on commençait l'aventure. Et on allait tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire que l'on découvrait le monde qui nous entourait. Hein. On partait de Bourg-Palette, la manière d'un JRPG classique en fait, hein, Voilà, dans le ouais. fond. Hein. Ça Ouais, commence vraiment quête comme un JRPG initiatique. classique. Ouais. Ouais. Et donc on commençait à par combattre d'autres Pokémon, mais la subtilité du jeu, c'est que on avait la possibilité de capturer les monstres que l'on rencontrait. Donc on les capturait, par contre, il y avait des conditions à remplir, c'est-à-dire qu'il fallait suffisamment affaiblir le Pokémon pour pouvoir C'est l'attaquer. ça. C'était une vraie chasse. Oui. Exactement, ouais. C'était et... violent. Ah, oui. Braconnage. Ouais. C'est ça, du braconnage, voilà. Avec les premiers, c'est clair que les premiers combats contre Chenipan devaient être. C'était assez... impressionnant. Contre hein. Ratata, mec. Ratata. Et Roukoul. Roukoul. Et Roukoul. Que de souvenirs. Roukoul avec Tornade au début, on faisait pas les malins. Hein. Ouais, c'est clair ça. Quand tu tombais sur un niveau 4, sur la version jaune, du coup. Oui, évidemment. Évidemment. Finalement, c'est ce qui donnait aussi son intérêt, parce qu'il y avait donc c'est vrai qu'on partait vraiment sur une structure proche, équivalente même à un JRPG classique, hein, avec la montée en niveau, sauf que la montée en niveau se fait via les Pokémon que l'on... Donc déjà, le Pokémon du starter qu'on avait choisi, mais également les Pokémon que l'on allait capturer. Et donc, il fallait aussi savoir changer aussi le Pokémon avec lequel on voulait commencer le combat, de façon à ce qu'il n'y ait pas non plus une différence importante en termes de niveau, de gain de niveau. Quoi. Ouais, parce qu'à la différence d'un JRPG classique, on n'a pas tous les combattants en même temps sur le terrain. Donc il faut choisir celui qui va combattre et qui va être celui qui va progresser. Ce qui mène à faire certains choix. Oui. Et envoyer des ratatas au casse-pipe pour changer directement après et les entraîner. Sachant en plus que si tu changeais de Pokémon, tu perdais un tour. C'est ça. Tout à fait, oui. Sur le Pokémon qui arrivait derrière. Donc, fallait du coup bien choisir et croiser les doigts pour que. Pas être sûr de soi, ouais. Voilà. Pour que le coup du Pokémon qui allait te donner ne tue pas non plus ton personnage d'un coup. Ce qui pouvait parfois arriver, c'est justement le type. On peut peut-être déjà en parler, puisque l'intérêt aussi, c'est que donc les Pokémon ont des types différents. Donc, on parlait des Pokémon du starter, c'était type eau, type plante et type feu. Il faut savoir qu'il y avait déjà existant, il y avait déjà 15 types différents qui permettaient de caractériser les Pokémon que l'on capturait. Ça fonctionne sur le principe de pierre, feuille, ciseaux. Le Shifumi. C'est ça. Ouais. Cher à Nintendo. Ça. Ouais, c'est ça. Quelque part, c'est même un principe qui est déjà utilisé depuis les Final Fantasy dans Dragon Quest. C'est un principe qui s'est déjà vu depuis longtemps. Le feu, la glace, il y en a un qui bat l'autre, et des trucs comme ça. C'est juste que là, c'est beaucoup plus poussé en raison du nombre de types. Et des combinaisons possibles entre deux types aussi. Ouais, ouais. Parce que c'est pas à partir de celui-là, il y avait déjà des Pokémon avec deux... Déjà, Roukoul était type normal et vol. Ouais. Ce qui faisait des conflits par exemple sur le type combat, vu que le vol résiste au type combat mais que le normal est faible au type combat, on se retrouvait avec un Roukoul qui ne craint pas spécialement le type combat. On avait déjà des combinaisons à l'époque. Et c'était plutôt équilibré dans l'ensemble Non. Non, pas du tout. Parce qu'il y avait les psys. Ouais, le type psy qui défonçait pratiquement les trois quarts des Pokémon existants. Quoi. Ouais, parce qu'en fait, le truc c'est que les psys ont été prévus pour être battus par les spectres. Or, le seul type spectre du jeu était aussi type poison. Voilà. Le psy est efficace contre le poison, donc le psy déraillait tout le monde, même sa faiblesse. Donc au final, Alakazam était god tier, comme on dit. Ouais, ouais, god tier. Ah, vous parlez vraiment comme dans les jeux de baston. Le metagame ouais, Pokémon, ça rigole pas, hein. C'est impressionnant, ça fait flipper des fois. Alors qu'est-ce qui vous a marqué à l'époque, on va dire, quand vous avez commencé à jouer à Pokémon rouge, Pokémon bleu, ou jaune même, selon les affinités de chacun. Je sais pas, Lugar par exemple. Alors, ce qui est marquant, déjà c'est la variété de tout le bousin, parce que moi déjà, à l'époque j'étais tout gamin, donc les RPG je connaissais pas trop, mais ce que je connaissais c'était des trucs plus classiques, un peu à la Final Fantasy, les machins du genre. Et du coup, avoir autant de possibilités, autant de choix dans la capture, autant de bouilles différentes, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, on est habitué, tout le monde connaît le concept, ça s'assimile facilement, mais à l'époque, se retrouver avec une bestiole différente à chaque fois qu'on la croise, tu disais, ah, c'est quoi ça, comment je le bats et tout, il y en avait vraiment énormément. Et ce qui était vraiment sympa, c'était la possibilité d'avoir tous ses ennemis de son côté aussi. Et puis après, justement, de pouvoir construire son équipe en fonction de son expérience. Et c'est ce qui est vraiment, ce qui fait que le jeu a bien marché, à mon avis, c'est que chacun construisait son équipe selon sa propre expérience de jeu. C'était vraiment très représentatif. Mmh. Et puis il y a plusieurs degrés d'investissement en fait. C'est ça. Ouais. Et moi, par exemple, je suis le casu. C'est-à-dire C'est-à-dire que je m'intéresse pas vraiment au metagame comme dit Lugar. Moi, je m'occupe de jouer et en fait de me démerder par rapport au type, quoi. Mais sinon, je m'intéresse pas vraiment aux, je veux dire, aux possibilités, enfin, qui sont quasiment infinies, je veux dire, de Pokémon, quoi. Je reste un peu à la surface, en fait. Voilà. Ouais, tu fais ta composition d'équipe un peu comme c'est moi, ça. Celui que tu trouves le plus cool, tu le mets, quoi. Voilà, voilà. Même en restant en surface, il y a beaucoup de profondeur. Je me bats avec ce que j'aime déjà, bien, en fait. C'est ça, ouais. C'est... ouais. Et aussi le côté collection, forcément. Oui, bah oui, ça s'est entombé dedans. Ouais. Et du coup, vous étiez plutôt complétiste ou alors finalement vous. Ça vous suffisait de l'équipe que vous pour aviez, connaître ouais. Qu'au bout d'un moment, on était obligé d'être complétiste parce qu'une fois le jeu fini, il n'y avait plus que ça à faire. Bah, à l'époque, il n'y avait rien à faire du tout quand t'avais fini le jeu, à part attraper Mewtwo. Voilà, mais on était tellement dedans en même temps, dans le truc que t'avais envie de faire ça, quoi. T'échangeais parce qu'il y avait les exclusifs à chaque version, hein. Avec l'invention du câble Link et tout. Ouais, c'était révolutionnaire. Moi, j'étais un peu plus. En fait, je m'occupais généralement. Je terminais le jeu, j'allais jusqu'à la Ligue Pokémon. J'attendais d'en capturer quelques-uns de cool. Donc, Mewtwo, évidemment, les plus cool, quoi. Ouais, les légendaires, en gros. Voilà, les légendaires. Mais après, j'étais pas vraiment complétiste, en fait. Ouais, moi non plus, pas complétiste. Pas au point de faire le 100%. Et puis surtout, qu'il y a un truc. Ça me fatiguait avant. Il y a un truc qu'il faudrait que je précise aussi, c'est qu'à l'époque, j'y jouais sur. J'étais plus vieux que Kurita et Lugar et j'y jouais sur émulateur en fait. Oh, voilà. Déjà. C'est pas bien. Voilà. Et parce que ma Game Boy était pétée depuis super longtemps. Oh, l'excuse. Tu pouvais aussi jouer sur Super Game Boy. Hein. C'est vrai. Oui, tout à fait, mais j'avais pas de Super Nintendo. Donc voilà, c'était sur émulateur et je suis tombé. Même j'ai découvert le jeu sur Game Boy. Chez une connaissance, mais qui était beaucoup plus jeune et qui était vraiment dans la cible. Mais sinon, c'est. J'ai vraiment... Ça fait trop louche comme ça. C'est une connaissance plus jeune. C'est le mec que je racketais tous les matins. C'est ça. Puis tant qu'on est dans les deux premières versions aussi, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est la version verte. Parce qu'au Japon, ils n'ont pas eu les mêmes, ils ont eu rouge et vert, puis bleu, puis jaune. Ouais, c'est ça. Et là, on va faire un petit hommage à HKO qui nous l'a demandé, hein, pour parler des sprites de Pokémon vert. Ils sont dégueulasses, oui. Ils sont franchement magnifiques. Hein, c'est la consommation de drogue illustrée. Notamment l'exemple de Dracaufeu est assez... Dracaufeu, ouais. Alors Dracaufeu, il plane à 2000. Hein, là, c'est... Mew est pas dégueu aussi. Mewtwo qui ressemble à un espèce de demi-fœtus gerbille, il est sympa, ouais. Avec une parce qu'il faut quand même parler quand même de la fameuse anecdote Mew, puisque à l'origine en fait, il n'y avait que 150 Pokémon qui étaient prévus dans le jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que donc ils ont viré le parce que les cartouches étaient vraiment pleines, quoi. On était à quelques c'était des kilobits à l'époque, donc c'était rien par rapport à ce qu'on avait par rapport aux capacités de stockage d'aujourd'hui. Mais pour le coup, ils avaient viré le menu debug. Et c'est à ce moment-là que il y a un développeur qui a rajouté Mew, le Pokémon Mew. Est-ce qu'il peut être considéré comme la pré-évolution de Mewtwo c'est... Techniquement, c'est un clone en fait. Ouais, c'est un clone, voilà. Mewtwo, parce que c'est donc le numéro 2, c'est le clone de Mew. Bon, voilà. D'accord. Et du coup, en fait, il avait été intégré à la cartouche sans forcément. Qu'il est, On pouvait pas l'obtenir en fait. Voilà, c'est par événement, s'il me semble. C'était fait pour être obtenu par événement. Mais au final, il n'y a jamais eu d'événement pour l'instant. C'est ça. Il y a eu juste des rumeurs impossibles, genre finir 100 fois la ligue, voilà, c'est va pousser le camion. Le fameux camion. Le camion, voilà. Le karma. Ouais. Et en fait, il y a. Justement, j'écoutais, il y avait. C'était donc quelqu'un qui parlait de ça notamment sur. La façon de le prendre, en fait, c'est qu'il fallait aller dans un... Donc, je crois que c'est pour la version verte, mais le bug avait été corrigé pour les versions bleues sorties après. Et c'était, en fait, se mettre devant un tableau... Et pêcher. Voilà. Ah oui, oui. Ça, c'était pour la version verte japonaise. Et puis, finalement, il y a une vraie technique officielle qui a été trouvée hein, et qui marche encore très bien sur les cartouches, qui consiste à te mettre devant un dresseur et, en fait, à sauvegarder et à fuir le dresseur entre le moment où il nous a vus et le moment où le combat commence. Et ensuite, à faire tout un bordel comme ça, c'est un genre de manipulation de la chance et du jeu. Et puis au final, on se retrouve contre un Mew. Et puis c'est assez le bordel, mais on peut le rencontrer dans les herbes sans utiliser de Game Shark, de cheatcode ou de conneries comme ça. Ce qui était, après, il a été. Nintendo avait justement, pour le coup, avait profité de ce rajout de dernière minute pour faire des événements, pour proposer de charger justement le Pokémon Mew dans. Ah ouais, c'était l'effervescence. Hein, dans des cartouches, Les légendes urbaines de cours de récré. Ah, c'est, ouais, c'est clair. Quoi. C'est... Ah, là, ça fonctionnait à plein tube à cette époque-là. Ouais. C'est clair. C'est comme le fameux, bah, c'est comme pour Tomb Raider, voir Tomb Raider. Lara Croft à poil, quoi. Lara Croft à poil. Ah, c'est ça, c'est ça. Les codes sur PC, ça c'est un peu plus ma génération. Sur PC, sur PC. On a tellement cherché. Sur PC, non, il y a ah non, on cherchait sur PlayStation, hein, comme des cons. Ah, hein, ah oui, sur PlayStation, non. On a cherché, on a mis longtemps à chercher, ouais, mais elle n'y est pas. Cherchez, les gars, perdez pas votre temps. Voilà, arrêtez de chercher, s'il y en a qui cherchent encore, non. Et tant qu'on est sur Mew, un petit truc, enfin sur Mewtwo plus précisément, parce que bon, moi, hein, vous me connaissez, hein, Earthbound, la série Mother et tout. Alors, il faut savoir. Ah ouais, il faut savoir que les deux équipes, l'équipe qui a fait les jeux Mother, alors. Pour beaucoup, a ensuite travaillé sur Pokémon. Et que Mewtwo partage énormément de similitudes avec justement le dernier boss de Mother. Donc c'était juste la petite parenthèse. Ceux qui s'intéresseront iront voir. Et puis voilà. D'accord. Je sais pas. Mais... Et il y a un autre Pokémon aussi dont on n'a pas parlé, c'est Missing No. Eh oui. Enfin, plus ou moins un Pokémon, oui. Plus ou moins un Pokémon. Un glitch. On va l'attraper. Ouais, voilà. Voilà. C'est le résultat d'une... D'un très nombreux glitch de ça, et qui là encore est parfaitement réalisable, hein. Il suffit d'avoir une version d'ailleurs, n'importe laquelle. D'ailleurs, à propos de glitch, il y avait aussi l'île Bug, enfin, ou Bug City, je sais oui, plus. Ça ouais, aussi qui est facile à faire, hein, quand on connaît la manip. C'est-à-dire, hein, qu'est-ce que c'était en fait comme mon perso, je l'ai jamais fait. Alors, mais, moi, je l'ai fait sans faire exprès quand j'étais gamin. Ça m'a fait flipper, mais un truc de dingue. Ah ouais, je veux bien croire. En fait, c'est une zone dans laquelle on accède par manipulation de la chance avec le safari. Parce qu'en fait, on a un safari qui nous téléporte à la sortie quand un certain nombre de pas est écoulé. Et en manipulant le fait qu'il y ait une téléportation à ce niveau-là, on peut arriver dans une zone debug, en fait, où on a juste des fragments de sprites, de chip... comment ça s'appelle ? De chipset, ouais, c'est ça ? Ouais. Chipset qui sont foutus en vrac. Et puis c'est complètement incompréhensible comme zone, et puis ça fait peur quand t'as... Ah mais quand t'es gamin, quand ça doit faire très peur, ouais. Bah moi, quand t'as 7 ans, tu comprends pas. C'est ça un peu, et puis tu sais pas si tu peux t'en aller, tu sais pas si t'as parti. Moi, j'avais 14-15 ans, donc ouais, c'était un peu plus... J'étais un peu plus rationnel. J'avais vraiment peur de perdre ma partie, là. C'est aussi bah, une défense de Pokémon, finalement, c'est le principe aussi des deux cartouches que l'on va retrouver, ouais. Que l'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui encore sur la version XY sur 3DS. Puisque finalement, alors on avait le même jeu sur les deux cartouches, mais on n'avait pas les mêmes Pokémon. C'est-à-dire qu'il y avait des Pokémon qui étaient exclusifs à la version rouge et des Pokémon qui étaient exclusifs à la version bleue. Et donc pour ceux qui voulaient compléter leur Pokédex, donc le Pokédex c'est l'encyclopédie de poche que tout bon dresseur se doit de posséder. Et donc on permet donc avec le câble Link branché entre deux consoles, entre deux Game Boy d'ailleurs. On pouvait récupérer des Pokémon de l'autre version que l'on n'avait pas dans la version que l'on avait achetée. Mais il y avait aussi des Pokémon qui n'évoluaient que quand on les échangeait avec ses potes. Comme c'était le cas de Kadabra, je crois. Qui est... Ouais, c'est ça. Macogneur aussi, Grolem. Et Spectrum. Voilà, tout à fait. Pas mal de bonnes choses, en tout cas de bonnes idées même. Pour on va dire, si on veut compléter le jeu à 100% sur Pokémon de rouge et bleu. Tu parlais tout à l'heure justement de la zone Safari. Ouais. C'était, moi je pense, bah, du souvenir que j'ai, c'était une zone où j'ai passé pas mal de temps. On se perdait là-dedans. C'était horrible. Il y avait des Pokémon très rares et c'était un peu la galère. Ouais. Moi, c'était la joie que j'avais eue, c'était de pouvoir capturer un Tauros. Parce que je me suis galéré à le choper, parce qu'à chaque fois, alors je crois qu'il s'enfuyait ou... C'est ça, parce qu'en fait, c'était totalement indépendant des combats. C'était un peu... On avait quelques options à la con, mais c'était majoritairement du pif. Hein. C'était principalement du hasard, surtout à l'époque, donc c'était un peu frustrant des fois. Et puis ça introduisait aussi un nouveau type de Pokéball qui était uniquement présente sur le... Les Safari Ball, oui. Ouais. Ouais. Sur le parc Safari... D'ailleurs, je parle de Pokéball, il n'y avait qu'un seul type de Pokéball sur... Non, il y avait les Super Balls. Ah oui, il y avait déjà les principales, ouais. Donc 4 balls différents. C'est 5 si à Safari, quoi. Il y avait les Hyper Balls aussi. Ouais, c'est ça. Et la Master Ball. Et la fameuse Master Ball, l'unique. Ouais. Qui capture en un coup. Voilà. C'était bien pratique, notamment pour les Pokémon légendaires. Pour capturer Mewtwo, c'est ça. Ou pour capturer Abra qui fait tout le temps téléporte. Moi j'avais fait ça sur un Caninos qui faisait hurlement. S'il y a un M sur la Master Ball, c'est pas forcément pour Master, c'est pour Mewtwo. C'est pas faux. C'est possible, ouais, c'est possible que je me sois aussi servi de ça pour le capturer. Surtout qu'il était d'un type psy, donc bah ouais. Ah ouais. Ah ouais, sur la Master Ball, il était difficile à capturer. Ouais. C'est vrai. C'est aussi, il y avait les Pokémon, il y avait 151 Pokémon. Donc parmi les Pokémon que l'on avait, il y avait les fameux Pokémon légendaires. Et oui. Donc chacun représentatif d'un type différent. Donc il y avait le type glace, donc Articodin, le type électrique avec Elector, et le type feu avec Sulfura. Alors là, du coup, le conseil qu'on donnait à chaque fois aux joueurs, c'est sauvegarder juste avant de faire le jeu. Ouais. Voilà, ouais. Ça marchait contre les champions aussi. Ça évite bien des frustrations. Parce que pour le coup, ouais, c'était pas toujours. Voilà, toujours s'il était raté, c'était pour de bon, hein, c'était définitif. Voilà, parce qu'il y avait qu'un seul exemplaire à chaque fois par jeu, donc pour le coup, on le perdait rapidement. Et surtout, pour les échanger, ceux-là, fallait. Ah oui, ouais, c'est clair. Ouais. On peut peut-être parler aussi des méchants, les fameux. Oui, mais t'as pas parlé du but du jeu en fait. C'est ça, on n'a pas parlé du but ah, du oui, jeu exact. En fait. Donc c'est rappelle-nous le but du jeu. Donc alors le but du jeu donc c'est qu'on est donc Satoshi donc ou Red. Red voilà. Red voilà. C'est le nom officiel. Voilà. Le nom officiel. Donc on est Red, donc un jeune dresseur du Bourg-Palette. Qui ressemble à Wero de Hearthbound, j'ai rien dit. Voilà, tout à fait. Non mais c'est vrai que c'est exact. Et en fait, on doit devenir maître Pokémon. Donc remporter, je veux dire. Remporter des badges d'arène, il y a une arène dans chaque ville, et une fois qu'on aura remporté tous les badges, il y en a 8, je crois. Ouais, il y en a toujours 8, il me semble. Ouais. À ce moment-là, on a le droit d'accéder à la Ligue Pokémon où on affronte le Conseil des 4, et à ce moment-là, on devient maître Pokémon. Après avoir battu le précédent maître, quand même. Hein. Voilà, oui. Attention! Parce que le conseil des 4, ils étaient toujours 5, et ça, c'était la carotte. C'est ça, c'était toujours la carotte, voilà. Surtout que la zone était la zone justement où on affrontait les différents maîtres, était finalement très très proche du Bourg-Palette, si je dis pas de bêtises. Elle était ouais, c'est ça, voilà, ouais. Le dernier est à Jadiel, en fait, c'est ça. Ouais, voilà, toute la fin du jeu se passe juste après le début, en fait. C'est ça qui est assez marrant, parce qu'on fait une espèce de boucle, puis au final, quand on a terminé le voyage, on se dit, bon, bah c'est bon, t'as fini, maintenant tu peux aller là-bas. C'est ça. J'ai fait tout ça pour revenir là, mais je suis devenu plus fort, et ça c'est beau, c'est l'esprit shonen. Ça, c'est voilà, beau, ça. T'as voyagé, voilà. Et donc, il y avait aussi l'objectif qui était donné par le professeur Shen, donc qui était de compléter le Pokédex. C'est ça. Voilà. Et ça faisait déjà de quoi s'occuper pendant un bon moment. Oui. Ouais. Surtout avec toutes les conditions pour le remplir. Et avec les parties à recommencer pour avoir tous les starters. Oui. C'est clair. Les starters qui étaient uniques, oui. Donc du coup le but alors surtout ce qui était intéressant c'est qu'on pouvait terminer le jeu mais on pouvait continuer le jeu après l'avoir terminé. C'est dans, ça ouais. Dans le sens quand on dit terminer le jeu c'est avoir fini le avoir battu le Conseil des 4. Et c'était même obligé pour accéder à une certaine zone où il y avait Mewtwo même. Ouais. La grotte inconnue. Azuré je crois, ouais, je sais plus. C'était à côté d'Azuria, la grotte inconnue qui était gardée par un mec pendant tout le pif, jeu. Ouais. Un mec au pif, ouais. Alors justement comme je l'évoquais juste avant, la fameuse Team Rocket, les méchants du jeu. Alors, on les connaît, pour le coup, la version jaune permettait de retrouver les personnages de la série animée, mais ce qui n'était pas le cas. Ils ont plus d'importance dans l'animé, en fait, que dans le jeu original, où ils sont finalement, on les affronte, on sait que ce sont des voleurs de Pokémon. Et on affronte à la fin leur boss, mais ils sont pas vraiment au centre. Ça m'a toujours un peu fait l'impression d'être. Il fallait un ennemi, alors on les voilà, a mis, oui. Mais bon. Ouais. C'est l'ennemi de RPG japonais en plus naïf, on va dire. C'est pas c'est non ça, plus ouais. Kafka ou. C'est un peu les sbires des Power Rangers, mais bon. C'est ça. Sa référence dure ce soir. Hein. Ah ouais, bah. Alors, on est parti dans Pokémon, c'est mort. Hein. Référence 90, quoi. D'ailleurs, non, référence à XOR dans Pokémon, hein. Et puis il y a Dragon Ball Z aussi pour Mewtwo, qui ressemble très fortement à Freezer aussi. C'est vrai. Pas faux. Tu disais référence à XOR hein. Oui, parce qu'il y avait. Alors c'est un truc qui m'avait fait marrer, parce que j'ai vu en refaisant le jeu il y a pas longtemps, c'est qu'il y a il y avait plein de petites références comme ça qui se sont mises tout le long du jeu. Et il y avait un dresseur notamment qui nous disait qu'il voulait devenir comme XOR, le cochon de l'espace. Donc XOR, le shérif de l'espace, XOR, voilà. C'était dans le tout premier, ça? Ouais, dans le tout premier, dans l'arène. Ah ouais, je m'en souviens plus. Dans l'arène du type poison, je crois, un truc comme ça. Puis c'est marrant parce que ce genre de références, on les a retrouvées tout le long du jeu par la suite. Il y avait toujours un PNJ ou plus tard les télévisions qui parlaient comme ça de petites références. à d'autres éléments de. Bah même au début, tu peux jouer sur la Super Nintendo, Voilà, sur. C'est ça, et il y a Dragon Ball qui passe à la télé. C'est ça. Et c'est vrai que sur pas mal de choses, quand même, c'est déjà cette première génération est C'est très ça. riche en interactions, en petites phrases sur le, quand on regarde la télé, par exemple, ou qu'on écoute la C'est ça. radio, des choses comme ça. C'est déjà très très riche en fait. On va encore dire que je fais chier, mais là, encore une fois, là on sent le côté Mother avec le côté de la grosse influence de la pop culture sur tout le jeu, quoi. Écoutez-le avec Mother, quoi. Ah ouais. Il serait temps. Mais il a Ah non, raison. mais les deux jeux sont très liés, hein. Les équipes de Ouais. développement sont très très très très mêlées pour Ah ben. les premiers opus. Oui, parce qu'ils ont en fait finalement c'est Mother, donc c'est Creature Incorporation, Ouais, si je c'est dis pas de ça. bêtises, et en fait c'est eux qui a permis aussi à Game Freaks, donc le développeur de Pokémon, en injectant de l'argent pour le développement du jeu, de sauver le projet. Et alors eux, ils en plus ils ont bien géré le coup, parce que donc ils ont aidé le jeu à se terminer, mais du coup ils ont récupéré aussi une partie du merchandising. Et ce qui n'est pas Eh ouais. une mauvaise chose C'était la quand. meilleure partie à récupérer même. Exactement. Quand on sait, je crois que c'est un tiers, je crois que j'ai vu ça, Oh. un tiers des droits, donc ça représente, et aujourd'hui encore, c'est toujours le cas. Ça représente beaucoup trop d'argent. Voilà, entre Trop pour un seul homme. les cartes, les peluches, tous les produits Bah dérivés. tout, ouais, c'est. Enfin, de toute façon, tout a C'est été la pareil de folie. C'est Pokémon, quoi. complètement Et fou. Les Boeing. pendant longtemps, ça a C'est été vrai. aussi la folie chez nous. Ah oui. Notamment pendant la première génération où Ah bah ça a ouais. complètement cartonné, quoi. C'est vrai. La série est passée, notamment par rapport à. On peut peut-être déjà parler aussi de la version jaune, mais la série a permis aussi au jeu d'avoir un impact aussi sur les joueurs, en se disant, par rapport à des Pokémon qu'ils pouvaient C'était voir. complètement cross-média en fait. C'est ça, Exactement. Ouais. quelque part, ouais, c'était. Comme les C'est Japonais savent un le des faire. premiers, Ouais. c'est un des C'est vrai. premiers, une des premières grosses œuvres transmédia en tout cas. C'est vraiment Qui a bien. été une des premières grosses œuvres transmédia en Europe. Parce que déjà, Ouais, au le Japon, fait c'est d'avoir des déjà. séries, des épisodes, des OAV, des mangas sur des jeux, c'était déjà banal. On a parlé du jeu Limite de cartes banal. aussi? Ouais, voilà. Ouais. Qui a C'est pris vrai que pas mal le jeu de d'ampleur cartes, aussi. c'est vraiment le gros truc cross-média qui a lancé limite le concept du cross-média jeu vidéo en France, en fait. Ouais. Ça, oui. Ça permettait notamment pour la série de découvrir des Pokémon qu'on n'avait peut-être pas encore capturés ou croisés dans le jeu. Ouais. Des techniques aussi qui étaient associées à des Pokémon alors qu'on n'avait pas fait forcément le rapprochement, et au final qui pouvaient se révéler efficaces. Ouais, bon, dans l'animé, c'était un peu. Oui, Ouais. Sacha, ça a toujours été une C'était. pauvre merde, une De chimère, toute donc façon, c'est. personne ne l'aimait en fait. Dès qu'on avait Personne. joué au jeu, on l'aimait pas parce qu'on trouvait qu'il faisait n'importe quoi en gros. Mais oui, il connaît même pas les types, je veux dire. C'est marrant parce que tout le monde regardait, mais tout le monde trouvait ça nul en fait. C'est ça, même à C'est même pas. l'époque. Bah moi franchement, alors en plus c'était vraiment pas dans ma tranche d'âge, donc Ouais. je trouvais ça vraiment, je veux dire, même encore aujourd'hui, T'as déjà 25 ans, il m'arrive de les regarder, il m'arrive de regarder comme ça de temps en temps et j'ai C'est l'impression que c'est neuneux, hein. vraiment nono, vraiment très Ouais, très nono quoi. c'est très pour les niais, ouais. enfants, hein, C'est vraiment C'est pour les vrai. enfants. Et C'est pour les enfants, mais ça a quand même par contre, il y énormément avait un truc marqué qui me la forçait à regarder génération, quoi. quoi. Il y avait quand Ouais. même un petit truc Parce vu que que les c'est génériques, le cas tout Pokémon. le monde les connaît. Oh la vache, ouais. Il y a, Ah bah le enfin, générique, et par contre le générique est culte, hein, l'animé Le a Pokérap. énormément Le marqué toute cette Pokérap aussi, génération. ouais. Le Pokérap, hein, putain. Et on se souvient aussi que Carapuce c'était une racaille quand même. Hein. Dans le dessin animé, il faisait le loubard avec ses lunettes de soleil. Enfin, ça a marqué. Et on le retrouve notamment dans la version jaune, qui reprend un peu le principe de la série, puisqu'on récupère. Alors on n'a pas à choisir au niveau du starter entre Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, mais on a d'office, on n'a pas le choix. On a Pikachu, qui, comme dans la série, ne refuse d'être dans sa Pokéball et suit Sacha tout au long de l'aventure. Par contre, on récupère du coup les starters les uns après les autres, ce qui est pas mal, quoi. Comme ça, on n'a pas de choix à faire sur les Pokémon, sur ces Pokémon-là. Alors, on retrouvait un peu justement les personnages. Sur les personnages qu'on voyait dans la série et dans le jeu, Ça, notamment par rapport à la Team Rocket, il y avait Jesse James qui était ouais. Tout à présent. fait. Et puis il y avait Pikachu aussi qui était plus au Et oui. centre. Parce que C'est ça. Pikachu nous suivait partout. Tout à En fait. fait, on l'obtenait à la place des starters des Ouais. versions rouge et bleue, c'est-à-dire Carapuce, Salamèche et Bulbizarre. On les obtenait dans le jeu, en fait. C'est ça. Ils étaient donnés carrément. Et du coup, par contre, on commençait l'aventure avec Pikachu, et du coup, on avait un léger désavantage par rapport au premier dresseur qui est Pierre. Mais il fallait attraper un ferro-singe pour ça. C'est attraper un ferro-singe. Ou un Nidoran avec double pied. Tu le sais pas forcément. C'est ça. À l'époque, t'es perdu. Moi, j'avais la technique. Ma technique, c'était Nidoran, justement. Je savais pas qu'on pouvait. Moi, ma technique, c'était je faisais reflet. Et puis après, je faisais vive attaque. Ça prenait beaucoup de temps avec Nidoran pour le faire leveler. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi. Parce que quand on lui parlait au Pikachu, on avait une petite animation où on voyait son humeur. J'ai jamais compris pourquoi quand on pêchait, il avait un pot de fleurs sur la tête. Je sais pas. Qu'on m'explique un jour. C'est what the fuck ça. Il doit peut-être avoir sa canne à pêcher lui aussi, je sais pas. C'est de l'humour japonais peut-être. Voilà. Puis c'était marrant parce qu'on voyait qu'on était dans la ville où il y a un cimetière, il avait peur, il faisait pas le malin et tout. Et puis du coup des sprites avaient été redessinés aussi. Oui. Fort heureusement, qui était pas mal hein, d'ailleurs. Pour ressembler à l'anime. Oui, ils étaient sympas, celui jaune. Hein. Pikachu a déjà commencé son régime à l'époque. Hein, ouais. Parce qu'au début, il était très joufflu. C'est ça, c'était une petite boule. Hein. Ouais. Il était mignon en petite boule. Ouais, il était trop mignon. Puis maintenant, il est devenu tout slim. Régime Duncan, hein, Pikachu. Mais, ça fait bizarre d'ailleurs de le voir en 3D. Ah, je trouve. Ouais, c'est pas pareil. Sur la version c'est un athlète maintenant. C'est ça. Et ben aussi, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est un petit élément, mais c'est la bicyclette. Ah oui, avec la musique. Ah oui, ouais. L'arnaque du vélo à 100 000 balles. c'est ça, ouais. Mais qui permettait quand même d'aller tellement vite. Et oui. Parce qu'à pied, je pense que tu pétais un câble. On pouvait pas courir à l'époque. Bon, après, t'avais la technique vol aussi. Avec, c'est vrai. Qui change la vie. C'est bien la vie, ouais. Oula, oui. La technique corde pour... la technique corde, non. Pour se pendre. Oui, il y avait plein de petits coups cachés, un petit peu, apparemment cachés, mais bon, pour se déplacer rapidement, sortir des grottes, des bâtiments. Faire tunnel dans un bâtiment, d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas parlé des capsules techniques et spéciales. Ah oui. Hein, ah oui. Voilà. La fameuse coupe. Oui, voilà, la coupe qui te permettait de couper l'arbuste tout pourri qui te... voilà. Parce qu'en fait, il y en avait combien à l'époque? C'était 5 ou 6? Alors, attends, il y avait force, coupe, vol, flash, c'était une CF aussi. 5. Ouais, donc en fait, c'était des coups qui étaient, contrairement aux autres, utilisables en dehors des combats. Donc coupe, couper les arbres, force, pousser les cailloux, surf permettait d'aller sur l'eau, flash, d'éclairer les grottes. Et vol de se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre. Par contre, les Pokémon étaient obligés de l'apprendre pour pouvoir. Ouais, définitivement, ouais. Mais tout était utile sauf Flash. C'est c'était ça. Vraiment et tout pourri. Et d'ailleurs, Flash, plus personne ne t'en sert que dans une grotte, ouais. Tu t'en sers Flash, que dans une grotte. C'est même possible de la faire à l'aveuglette, la grotte, hein, techniquement. Ouais. Ah ouais, mais. Oui. Déjà que je supporte pas les grottes, ça c'est un truc. Ah ouais, c'est vrai que tous les Pokémon, je supporte pas les grottes. Les Nosferapti, hein. Oui, les putains de Nosferapti qui arriveront, qui peuvent en boucle. Mais ouais, ça c'est les grottes, c'est toujours les passages qui m'ont fait chier dans la série. Il faut des repousses, c'est pour ça, des repousses. Et les CS, les capacités spéciales, c'était aussi c'est la différence qu'il y avait par rapport au CT, c'est que les pouvoirs, on pouvait l'apprendre à. C'était pas uniquement un seul Pokémon, c'est-à-dire qu'on pouvait on l'avait toujours avec soi, on pouvait l'apprendre à différents Pokémon. Parce qu'à l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu ça, les CT, hein, les capsules techniques, c'était appris une fois et c'est mort, elle disparaît. Voilà, plus jamais. C'est ça. Il fallait très bien choisir. Ouais. Je sais pas si vous aussi c'était le cas, mais je me retrouvais avec un stock de CT parce que je n'osais pas les utiliser. pareil. Je disais non, mais si t'en as un mieux. Surtout qu'il y a pas mal de CT qui fait finalement, je veux dire. Servait pas grand chose. Qui était pas forcément utile. Ouais, puis il y a ce truc, on n'en a pas vraiment parlé, mais de limitation à 4 attaques sur les Pokémon, qui est aussi un énorme choix stratégique. Quoi. C'était souvent un gros dilemme, oui. Bah, qui est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vrai. Surtout qu'on savait, pas du tout, on savait pas vraiment vers quoi on se dirigeait dans les premières versions. Ah, en oui, fait. T'as aucune idée de savoir ce que tu vas apprendre plus tard. Ça se trouve, tu vas sacrifier une attaque super, super classe pour un truc tout pourri. C'était l'aventure, hein. C'est ça qui a plu, c'était vraiment l'aventure. Ouais. J'avais eu le guide, c'était à l'époque dans Joypad, ils avaient fait un guide un guide spécial, je dois toujours l'avoir d'ailleurs ici, avec tous les Pokémon, toutes leurs capacités, à quel niveau ils apprenaient les attaques, parce que plus ils évoluaient, plus ils gagnaient en niveau, en expérience, à certains niveaux ils apprenaient des attaques, donc il y avait aussi le dilemme à avoir, c'est-à-dire... Quelle attaque je supprime pour lui permettre... Est-ce que je conserve Est-ce que je ne prends pas cette attaque-là, ou alors est-ce que j'annule une de mes attaques pour pouvoir me servir de cette nouvelle attaque que je peux apprendre? Donc il y a pas mal de Moi, choses. j'avais pas de guide, mais bon, je m'étais imprimé la solution de jeuxvideo.com, je me souviens. Et justement, Mais moi j'ai une c'est... question à vous poser. Est-ce que quand vous aviez la possibilité, est-ce que quand votre Pokémon allait évoluer, est-ce que vous stoppiez l'évolution, alors Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait faire ça déjà, ouais. ou Alors, systématiquement vous jamais de la vie. moi non plus, j'ai jamais Pas arrêté une évolution, forcément, non plus. non plus, parce que déjà, ça complétait le Pokédex, hein. Et Ouais, puis, c'était après, bon, tellement chiant à voir. après, il y avait certains Pokémon qui, bon, quand ils évoluaient, forcément, ils devenaient beaucoup moins sympathiques à voir, Ils mais étaient toujours tellement plus forts. voilà, mais c'était toujours plus fort. Il n'y a que sur la 5G où j'ai eu où mon starter, je l'ai pas fait évoluer pendant un certain temps parce que je le trouvais trop mignon, et voilà, c'était Plus qui déjà, tu vois, paradoxalement, c'est... c'est quand tu n'as pas évolué, en fait, tu apprends des techniques plus rapidement. Oui, et parfois pas les Voilà. mêmes aussi. C'est ça, c'est... Et il y avait aussi les évolutions par pierre Oui. spéciale qui Oui. C'est dépendaient pas encore du pire, niveau. ça. Ouais, qui dépendaient pas du niveau, mais une fois évolué, il était super balèze, mais alors il pouvait plus apprendre aucune technique. Ouais, c'était horrible, ça. Et ça, quand tu le savais pas, ça rendait triste T'avais quand un même. Nidoking trop classe, mais Il avec apprenait un rien. double pied. C'est Voilà. ça. Et pique. Et c'est tout ce qu'il aurait à jamais. C'était ça. Soit tu mets C'était triste. coupe ou force. Ouais, Oui, il y avait bon. toujours moyen de se Flash, débrouiller, mais. il y avait le fameux Evoli où fallait choisir. Ah oui. Alors, Evoli, oui, Justement, qui avait ouais. plusieurs évolutions différentes déjà. Justement, en fonction des pierres, T'en ouais. avais trois à l'époque. Et Pikachu également. Ouais. Pikachu, Oui, alors, t'as... il y avait une version où il ne pouvait Dans évoluer jaune. qu'avec la pierre, je crois. Dans jaune, il Non, non, pouvait pas. non. Dans C'était jaune, il toujours la refusait la pierre. Hein. pierre. Hein. Ouais, parce que ça collait avec l'animé. C'est ça, ouais. Donc, on pouvait pas le faire Voilà. évoluer. Et Ouais. donc, on pouvait pas avoir Raichu dans la version jaune, en C'est fait. ça. Sauf peut-être à le faire importer C'est ça, ouais. d'une Voilà, version bleue ou l'échanger. rouge. C'était la seule solution. Donc un jeu, alors le jeu, je pense qu'on a fait le tour quand même Oui, je pense qu'on a ouais. fait le tour, ouais. Sur Largement, ouais. l'épisode Ça fait une fondateur heure. qui nous a quand même marqué, parce que finalement pour chacun c'est le premier jeu auquel on a touché C'est ça. de l'univers Pokémon. Alors le jeu est sorti en 99 chez nous, et c'est on va dire un mois, allez, un peu moins de 2 mois après au Japon que sort le nouvel épisode de la deuxième génération, donc la génération le jeu qui était sorti sur Game Boy Color, à savoir la génération or argent, les épisodes or et argent pardon, qui seront suivis plus tard par Crystal. Alors là du coup on avait 3 ans d'écart entre l'épisode qui était sorti au Japon, rouge et vert, et puis rouge et bleu ensuite, et l'épisode qui était sorti en Europe. Là, ça diminue un peu plus, mais il y a toujours 2 ans, parce que le jeu était sorti donc le 21 novembre 1999 au Japon, le 14 octobre 2000 aux États-Unis, et le 6 avril 2001, donc quasiment 2 ans, non, 1 an et demi, pardon, Ouais, c'est vrai que après en Europe, ça quoi. fait même pas 2 ans. On sent le succès qui commence à taper au portillon. Exactement. Après, graphiquement déjà, il n'y a pas une grosse, y a pas une grosse différence. Il y a la couleur qui arrive. Voilà, là, y avait pas une grosse différence graphique, Il y a quand même une mais... refonte des sprites qui était quand Ouais, les même assez sprites, impressionnante. Hein. ouais. Voilà, mais par contre, personnellement, enfin moi j'ai pas beaucoup touché sur cette génération, mais je me rappelle que la couleur, je veux dire, rendait quand même le jeu beaucoup plus agréable. Ah ouais, ça changeait tout, Même ouais. sur tous les jeux, hein, tu t'avais Ouais. quand même, quand tu comparais par rapport au jeu Game Boy classique et les jeux Game Boy Color, c'était quand même Surtout que aussi. vous y jouiez sur votre Game Boy avec l'accent, avec l'écran trop éclairé, alors que moi j'y jouais sur émulateur, donc le jeu était tout joli. Avec ton écran rétroéclairé de PC, Ouais, mais moi j'y jouais voilà. dans mon lit. Ouais, moi Ouais, c'est aussi. vrai. Ouais, c'est vrai. Sous une lampe. Dormir. Ouais. J'imagine Sous une Gallium avec lampe, son écran catholique sur les genoux dans son lit, quoi. ouais. Ouais, sur Pourquoi pas? mon écran 15 pouces à l'époque. Alors, le De starter 20 kilos. reprenait le même type C'est ça. Toujours. que voilà, Ça c'était lance la genre tradition, ouais. type plante, type feu, type eau. C'est peut-être aussi les types les plus accessibles, on va dire. Ouais, c'est plus logique, ouais. Ouais, Ah, et qui vont beaucoup plus parler aux gens qu'un type ténèbres ou psy. Donc il y avait Germignon, donc type plante, Hérissandre type feu, et Caïminus type eau. ouais, le meilleur. J'étais l'école Caïminus aussi, moi. Bah voilà. Hérissandre, pour Le moi. peu de temps que j'ai joué, j'avais pris Caïminus aussi. Bah voilà. Alors pour le coup, il y avait. Donc on avait 151 Pokémon, parce qu'il y avait 150 Pokémon de base, et puis il y avait Mew dans la première génération. Là, il y a 100 Pokémon de plus. Donc on retrouve les 151 de la génération précédente, plus 100 nouveaux. Ce qui vous donne donc 251 Bravo. Pokémon. Et, ouais. T'es fort en maths, hein. C'est quand même important. Du coup, là, il y a quand même. Ça rajoute aussi en termes de durée de vie quelques heures, parce que le temps de compléter le Ouais. Pokédex, il y a quand même pas mal de choses, surtout que il y a quand même pas mal d'innovations qui apparaissent Énormément, dans ce beaucoup. Pokémon or et argent par rapport au premier épisode. Notamment, d'abord en termes d'évolution, on découvre le principe des pré-évolutions, c'est-à-dire que donc on connaissait Pikachu, on connaissait Raichu, l'évolution de Pikachu, sauf que dans l'épisode or et argent, on introduit la pré-évolution de Pikachu qui s'appelle Pichu, Ouais. Pichu. mais qui, alors c'est pareil, il y avait des conditions pour l'avoir, C'est c'est-à-dire que ça. Ouais. c'était uniquement par reproduction des Pokémon. Ouais, et c'est là l'apparition d'un des gros concepts aussi qui va rendre beaucoup de gens fous. C'est faire des autres Pokémon. Les accouplements, ouais. Ouais. Alors, on parle l'arrivée, on va dire, d'un sexe féminin et sexe féminin et masculin, pardon, pour les Ouais. Pokémon. Chose qui existait, on va dire, de façade dans la première génération, puisqu'il y avait les fameux Ouais, le Nidoran. Nidorino et Nidorina, Ouais. Puis après, il y avait des Pokémon qui étaient assez sexués aussi, genre Lipoutou ou Exact. Rondoudou. Tauros. Bah c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Tauros, c'est que mâle. Parce que Ouais, d'ailleurs, Écrémeux, c'est l'équivalent femelle de ouais Tauros c'est ça. techniquement, qui a été ajouté dans la version or et argent. Voilà. Alors on parle donc des. Il y a quand même aussi. Pour compléter le Pokédex, hein, c'est un peu aussi un début du jeu. Il y a quand même énormément de conditions, parce qu'il y avait des Pokémon qui Moi, ça apparaissaient que m'avait le déstabilisé jour, en fait, toutes ces nouveautés, moi, en qui fait. apparaissaient que la nuit, parce qu'il y avait un cycle Ah oui, jour-nuit. c'est vrai. Il y avait la gestion du temps Ah, réel, il y avait la gestion du calendrier. Alors j'ai vu donc grâce à un magnifique dossier qu'avait préparé Lugar, le fameux lot classe du vendredi. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? alors c'était, il y avait une donc en fait dans la cartouche il y avait une pile qui bon ça fonctionnait un peu c'était une pile temporelle hein, une connerie genre une montre qui permettait de calculer en rentrant une date en commençant le jeu de calculer donc le défilement des jours et calquer éventuellement sur la réalité pour peu qu'on savait régler l'heure et la date. Et donc il y avait dans une certaine région dans une grotte je crois un Ouais, une Loclass. grotte. Donc Loclass c'était un Pokémon super rare de la génération d'avant, c'est le monstre du Loch Ness, il y en a qu'un seul dans le jeu et tout. C'est incroyable. Et là, en fait, on le trouvait uniquement le vendredi dans une grotte en train de nager tranquillement pépère. Et donc pour le trouver, celui-là, au pif, fallait franchement se lever tôt, hein, parce que Qu'est-ce qui t'a, parce que Gallium, je rebondis sur ce que tu disais, qu'est-ce qui t'a gêné toi du coup dans cette Ben, gestion mais du en temps? fait, bon, alors c'est ce que j'ai apprécié moi dans la première génération de Pokémon. Donc après, c'est vrai que moi personnellement, j'admets être un peu passé à autre chose à ce moment-là. Tu avais Et grandi. non, Il j'étais déjà trop grand de toute était déjà façon pour vieux, y ouais. jouer. Mais ouais, j'étais un peu passé à autre chose. J'étais revenu vers des terres un peu plus Final Fantasy, tout ça quoi. Et en fait, ce Plus que j'aimais bien, mature. ouais, plus adulte, attends. Attends, j'étais Trop vieux quoi. dark, Claude et J'étais tout. trop dark quoi, Squall et tout ça quoi. Cool, The Mais Rock. en fait, ouais, donc j'étais un peu passé à autre chose. Et ce que j'aimais bien en fait, un des aspects qui m'avait plu dans la première génération, c'était la grande simplicité en fait du truc de base. Et toutes ces nouveautés, le Pokématos, le cycle jour-nuit, les 100 Pokémon de plus, tout ça, c'est des choses qui m'avaient un petit peu. Qui m'avait un petit peu déstabilisé en fait. Et vu que j'avais pas vraiment la cartouche, je veux dire, c'est très facile de laisser tomber un jeu que t'as commencé sur émulateur, donc voilà. Et d'ailleurs, Lugar, tu parlais de la pile, de Oui, la pile de sauvegarde, qui, c'est ça aussi, il me ouais. semble, était super fragile sur cette génération. Ah, Et je crois qu'elles ont toutes lâché, il me semble. maintenant elles sont mortes. Ben, Elles sont en fait, quasiment ouais, toutes mortes, je mais crois. c'est comme une montre en fait. Au bout d'un moment, C'est la ça. pile lâche quoi, Mmh. donc il faut la changer. C'est exactement le même principe, ça Alors fonctionne que pareil. ma version rouge que j'ai chez moi, je veux dire, la pile fonctionne toujours, mais forcément, ça demandait beaucoup moins de choses quoi. Il n'y avait pas un jeu où j'avais lu ça, alors je sais plus si c'est or ou argent, mais par rapport à la pile qui se désactivait au bout de 8400 heures un certain nombre d'heures de jeu, pardon. Rubis Saphir, ça faisait Ouais, ça. Ruby Or et Argent, Saphir, ça faisait ça elle aussi, il me claquait vite semble. aussi, hein, il me semble. Il me semble que toutes les, à partir de Or et Argent, ouais, à partir du moment où il y avait une notion de temps, la pile claquait relativement vite, ouais. Enfin, relativement, bon, fallait quand même, il y avait largement le temps de jouer, quoi, mais. Si t'achetais une cartouche d'occasion 2 ans après, tu te faisais potentiellement bananer, quoi. Oui, c'est sûr, ouais. Pour le coup, Parce que pas de pile, c'était pas de pas de ne pas avoir possibilité de accès à certains sauvegarde. événements, ouais, surtout. Tu vas peut-être pas aussi sauvegarder du coup. Si, si, ça je crois que ça venait pas. C'est ça, tu peux sauvegarder. C'est un autre problème, ça. C'est un problème de des cartouches bleues, rouges, il me semble. Bashkao aurait pu nous en parler s'il avait été oui, là. Oui, il y a eu un souci comme ça aussi, ouais. Ouais. Mais non, c'était juste pour les événements qui ont lieu dans le temps qui ne pouvaient pas avoir lieu. Donc c'est pas, c'est une mineure partie du jeu, mais quand même. Il y avait alors on parle, il y avait toujours la possibilité donc d'échanger les Pokémon entre la version or et argent, mais également avec les versions rouge, bleu et jaune, de récupérer des nouveaux Pokémon. Les vieux Pokémon de rouge, bleu, voilà, jaune, qu'on transférait de Kanto pour retrouver son équipe. Et d'ailleurs, région de Kanto, donc région de bleu et rouge, qu'on pouvait visiter après avoir fini le jeu or et argent. Ouais. Mais la région était ultra chiante, il n'y avait rien à faire. C'est ça. Parce que, c'était vide. Voilà. Il y avait juste les champions, les anciens champions à battre qui étaient plus forts, mais bon. Pour le fanservice, quoi. C'est ça. C'était pas. S'il y avait quand même un truc, c'est qu'une fois qu'on avait battu tout le monde, qu'on était devenu le grand maître et tout. Il y avait un raid à affronter. Et oui, il y avait une nouvelle zone et on affrontait raid. Hein. Là, c'était quand même assez. Moi devant ma console. C'est un des trucs que je regrette, ça, de pas avoir connu. De oh là là, ça, là, là. Moi, j'étais comme un fou, quoi. Il était trop fort en plus. Hein. Il était vraiment surpuissant. C'était plus fort. T'es quoi son équipe? Alors, les trois starters: Pikachu, Mentali et Roflex. Ouais. Et donc c'était aussi l'apparition de deux de nouveaux types, parce qu'on avait eu 15 types dans la première génération, là il y a eu Acier et Ténèbres, et enfin notamment pour contrer les Pokémon de type Psy. Eh oui, enfin. Oui. Et il y avait aussi, il y avait aussi un rééquilibrage au niveau du gameplay, notamment pour réduire les injustices qu'il pouvait y avoir entre les types, donc notamment déjà par rapport au type Psy, mais c'est-à-dire que le premier type n'était plus prédominant par rapport au second. Ce qui a permis mais de même de manière générale, j'ai l'impression que ça devenait beaucoup moins random à partir de cet épisode-là. Ouais, ouais. Ouais. On va aussi parler des fameux Pokémon Shiny. Shiny. Shiny. Le Léviathan rouge. Voilà. C'était le porte-étendard des Shiny. C'était le seul qu'on pouvait voir, en fait, avec une chance raisonnable, en fait. Bah, tout le monde l'a eu, celui-là. Donc il y avait une chance sur 8192, donc c'est précis, hein, de croiser un Pokémon Shiny, donc, qui était d'une couleur différente. Des Pokémon que l'on croisait habituellement. Ça, c'était vraiment pour les gros complétistes, quoi. Ouais. C'est vrai. Donc, c'était tellement du hasard. Parce que... C'est normal que ça apparaissait uniquement avec la version color, parce que si c'était juste pour la couleur, on pouvait pas le voir. Sur les... Mais à savoir que si tu transfères tes Pokémon de rouge, bleu, jaune, t'as une chance qu'ils soient shiny ouais, parce qu'en quand fait, ils arrivent. Ça se sert d'une donnée qui était déjà déterminée à ouais, l'époque. Les IV, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a une valeur de base des statistiques des Pokémon, et à l'époque. Un Pokémon qui avait toutes les valeurs de base de statistiques au maximum, donc à 31, shiny. Je crois. Voilà, était non, shiny. 15 à l'époque. C'était ah oui, 15. C'était 15, ouais, c'est passé à 31 sur Game Boy Advance. Ouais. Et alors, pour le coup, ils étaient plus forts que. Bah plus oui, puisque que... la stat de base était au max. Ce qui n'a pas été le cas par la suite, parce qu'après, c'était juste un changement cosmétique. Ouais, ouais. Donc c'était uniquement sur l'épisode Or et Argent où il y a eu cette différence autre que la couleur sur les Pokémon. Ouais. Sur ces Pokémon spéciaux, quoi. Vous, du coup, vous y avez joué aussi pas mal à cet épisode-là, pardon. Je sais pas, Lugar, par exemple, t'as passé du temps dessus? Ah ouais, j'ai passé plus de temps sur celui-là, je pense, que sur le précédent, parce que étant un peu plus âgé, un peu plus conscient de mes actes, on va dire, j'ai passé des journées, des nuits entières à chercher des saloperies à gauche, à droite, à essayer de battre Red, puis le jeu était vraiment, vraiment long, et puis il y avait il y avait une vraie histoire qui commençait à se mettre en place, une mythologie, des trucs comme ça, qui quand même était vachement plus sexy que l'histoire du premier. Puis les légendaires, moi personnellement, j'ai pas, comme je vous dis, je suis un peu passé à côté de celui-là, mais les légendaires étaient franchement cool, surtout surtout Lugia, quoi. C'était meilleur. Ils étaient moins au pif que les précédents, en fait. Ceux d'avant, quand même, ils étaient paumés dans une grotte. Et si tu tombais jamais dessus, tu savais même pas qu'ils avaient existé, quoi. Ouais, ça. En général, c'est un des légendaires que je trouve le plus stylé, personnellement. C'est ça. Et là, alors que là, il y avait une histoire derrière et tout, des légendes, une cosmologie presque. Hein. Ouais, avec les trois chiens qui s'enfuient dans toute la région. Ah, et ça, c'était l'enfer. Faut les courser. Oh, c'était horrible. Et là, la Master Ball était utile. Ouais. Et encore, ça s'est encore plus développé après avec la 3G et la 4G. Oui. La mythologie. C'est vrai, ça atteint des proportions assez, on verra, mais assez grand guignolesque. Oui. Ah, et puis du coup, t'avais les films qui suivaient aussi. Parce que parce qu'à côté, le merchandising, ça y allait. Ça continuait encore plus. Mais un film par an. C'était impressionnant. La série aussi introduisait ces nouveaux Pokémon. Ah bah oui, ça suit toujours. Il y avait eu deux saisons déjà. D'ailleurs, la troisième saison. Souvent, la série a servi de moyen de promotion des générations à venir. On en avait genre un, je crois que c'était Maril. Hein. Ils disaient, regardez, il y en a des nouveaux et tout. On vous en montre juste un. Faudra déjà, acheter le jeu pour aller. Il semble que dans la première saison. Le tout premier épisode, voilà, il y avait on voit à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Nous, on était comme des fous, mais c'est quoi ce Pokémon? C'est ça. Parce qu'au début, tu te dis, bon, bah c'est un Pokémon, et puis à la fin, quand tu l'as toujours pas vu, tu te dis, mais c'était quoi ce truc? Puis c'est vrai que c'était. Le dessin animé a toujours été le meilleur moyen de promotion du jeu. Ah bah oui. D'accord, aujourd'hui, ça se vérifie avec la dernière génération sortie, hein. C'est même plus vrai que jamais, j'ai envie de dire. Tu parlais également, donc je reprends ce que tu disais dans ton dossier, Lugar, l'apparition de la notion de destinée du héros. Et oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, parce que c'est lié à l'histoire, en fait, c'est que là, vu qu'on a une cosmologie, le héros va un peu se retrouver face au légendaire, et donc ce sera vraiment le personnage au-dessus des autres, quoi. C'est pas un dresseur au pif, c'est comme Néo, ça aurait pu être dans vois. Le premier. C'est voilà. Néo. C'est l'élu qui va avoir l'objet magique qui permet de capturer tous les légendaires et tout. Et là, on commence à avoir un héros qui vraiment se démarque. Alors qu'avant, techniquement, c'était juste un dresseur. Et il avait la casquette à l'envers. Ouais, un dresseur au hasard qui réussit. Alors que la là, sœur c'est de vraiment... la Tessie, tu vois. Ouais, qu'est-ce que t'as à l'envers? Là, on a un vrai héros. C'est ça la différence avec les précédents. Et ça va avec tout le développement de l'histoire, c'est que là, on a des éléments qui vraiment font de lui vraiment le héros, l'élu de l'histoire, le seul et l'unique. Pourtant, il parle toujours pas. Et pourtant, il parle pas. Mais bon, ça, c'est la touche Nintendo. Hein. C'est pour mieux s'identifier. C'est ça. T'imagines s'il était aussi insupportable que Sacha? Parce que c'est assez marrant de voir d'ailleurs que Red, donc le héros du premier jeu, en fait, c'est vraiment devenu un héros justement avec le second. Parce que quand on considère le premier, en fait, c'est vraiment un mec au pif. Et c'est vraiment le fait que ce soit le héros du premier jeu qui fait que dans le deuxième, il a un statut un peu légendaire. Donc c'est vraiment la deuxième génération pour moi qui met tout en place au niveau pas vraiment de l'histoire des personnages, mais de l'importance des personnages, si tant est qu'il y en ait une dans cette série. Il y a aussi l'intérêt de la connectivité qui est renforcée, alors notamment avec l'apparition de ce qu'on appelle les cadeaux mystères. Oh là oui. On avait la possibilité en faisant des échanges avec des amis, de récupérer des cadeaux. Ouais, tu pouvais brancher ta version à Pokémon Stadium 2. Et encore une et fois, tenais des cadeaux. Ouais, comme ça. On n'a pas parlé de Pokémon Stadium, il me semble. Ouais. Ouais. Ah oui. De toute façon, Pokémon Stadium, c'était chiant un peu. Hein. Oui, mais ça, c'était les mini-jeux. Quoi. Les mini-jeux, ah, bien. Les mini-jeux étaient super bien. Celui avec Excellang. Ah, celui avec Excellang. Et Monsieur Mime. Monsieur Mime. Voilà. Le Pong avec Monsieur Mime. Il est dans Pokémon Stadium 2, lui. Moi, j'ai jamais eu le principe. Ah, oui, sûrement. Pour moi, le principal intérêt, c'est de voir les Pokémon en 3D et pas en sprite pourri, parce que c'était sur Nintendo 64. Et puis surtout, coup, c'était ton équipe que tu pouvais voir. Voilà. Et ça, c'était la classe. Oui, ça, ouais. Quand tu pouvais voir quand je voyais mon Tortank et tout, t'étais content, ouais. Ouais. Et que l'accessoire que tu branchais sur la manette, ce bazar. Les combats étaient quand même très très lents, quoi. Très très lents et très chiants. C'est moche. Encore une fois, par rapport au cadeau mystère, c'est un truc qui est assez récurrent en fait des jeux Pokémon, c'est que c'est une nouvelle fois avec la Game Boy Color le porte-étendard des fonctionnalités de la console, avec notamment la petite fonction infrarouge dont tout le monde se foutait, qu'il y avait sur les Game Boy Color, qui permettait en mettant face à face deux Game Boy Color d'échanger des données justement sur les versions or et argent de Pokémon. C'était les premiers cadeaux mystères avec infrarouge, un truc qui n'a servi que dans Pokémon en fait. Ouais, donc oui, pour le coup, oui. Et vous en serviez ou c'était plutôt... Ah non, ça servait à rien, enfin, ça servait à rien du tout. Non, non. C'est les rois des communications anecdotiques, Pokémon, hein, c'est... Et là, elle faisait pas déjà la 3D comme la GameCube, hein, non? Ça marchait pas encore, elle gérait pas la 3D, je veux dire, comme le faisait la GameCube à l'époque, non? Non, il y avait un truc avec l'appareil photo aussi. Le Pokémon Printer, là je sais, le ah Game oui, Boy ah Printer. Oui, avec le Game Boy Printer, oui. Parce que... On pouvait prendre des photos de ces Pokémon et les imprimer, c'était fou ça. Moi j'ai jamais eu, c'est trop cher, mais. Oui, avec la petite imprimante spéciale. C'est ça, le Game Boy Camera qui permettait de te prendre en photo et de faire des trucs comme ça, et t'avais le Game Boy Printer qui te permettait d'imprimer des trucs comme ça sur photo avec une résolution papier 10 par 10. Nintendo a très tôt compris que Pokémon c'était le meilleur moyen de promouvoir leur console. Hein. Et du coup, ils ont vraiment toutes les fonctionnalités d'une console sont dans chaque jeu Pokémon, en fait. Oui, ils s'en servent à fond, quoi. C'est ça, ouais. C'est le meilleur moyen d'en faire la promo. Je vous propose de passer à la troisième génération, pour le coup. Bah ouais. Donc, l'édition, la version... Je pense qu'on va passer vite sur celle-ci. Game Boy Advance. Alors, Déjà, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on change de réalisateur, puisque au début, donc Satoshi Tajiri était sur le. Donc le créateur de la série était à la réalisation pardon, de Pokémon Rouge, Bleu, Jaune et de Or et Argent. Et du coup, il laisse la main finalement assez rapidement à c'est Junichi Masuda, qui est aujourd'hui encore le réalisateur et le compositeur des musiques, et qui a pris la main donc, sur Ruby, Saphir et donc le troisième épisode Émeraude. Pour situer dans le temps, donc le jeu est sorti sur Game Boy Advance à l'époque. Ruby et Saphir sont sortis au Japon le 21 novembre 2002, aux États-Unis le 19 mars 2003 et en Europe le 25 juillet 2003. Donc là, ça se resserre encore un peu plus. On a un tout petit peu plus de 6 mois entre les deux, les sorties entre les différentes zones, les différents marchés. Et la version Emerald, pardon, est sortie au Japon le 16 septembre 2004, aux États-Unis le 30 avril 2005 et en France le 21 octobre 2005. Donc là un peu plus long, il y avait un an entre le Japon et la France notamment. Mais Donc ça se rapproche toujours, hein, les sorties, tu ouais. remarques. Et la première chose qu'on a notée, notamment qui ressort aussi en travaillant sur le dossier, c'est que là où on avait des Pokémon, parce que les Pokémon, on a quand même des designs très mignons, on avait quand même ici, avec Ruby et Saphir, des choses plus Très agressive. agressives. Voilà. Ouais, ça changeait vraiment de style, ouais. Ce qu'il y avait, alors, est-ce que c'était une façon de grandir avec son public Je pense, ouais. Je pense que c'était clairement ça. C'était vraiment, c'était un jeu pour les gamins sont devenus des ados, donc au bout d'un moment, il faut des trucs un peu plus cool, un peu plus. Bah, Avec des pics genre partout. C'est personnellement, ça. moi je suis complètement Des passé à côté lumières. je suis complètement passé à côté de cet épisode, mais je me rappelle que Groudon, je trouvais cool quand même. Bah oui, c'était Voilà. cool, Ouais. Ah ouais. Pokémon. Ils en jetaient, hein, c'était le principe. Mais ensuite, ce qui Mais. a mal été calculé, c'est qu'au final, les gens, ce qu'ils voulaient dans Pokémon, c'est ce qu'ils avaient toujours eu, pas forcément C'est quelque ça, chose de parce que nouveau. c'était. Il me semble que cette génération, Elle est mal aimée. c'est la plus impopulaire, mais par À mon contre, grand désespoir. en ce moment, tout le monde en veut un remake. Bah oui, hein, Ah ouais, c'est mais ça, ça. c'est comme d'habitude, un hein, Wind Waker HD, on veut un remake, personne l'achète, quoi. Bah après, Wind Waker HD, je pense pas que ce soit forcément Ouais, l'épisode enfin, où on demandait un remake, mais c'est c'est une un autre idée débat. générale. Si, C'est une si. idée générale, ouais. Pardon. C'est. On demande quelque chose, puis on n'en veut plus quand ça sort. C'est Non. la base, hein, j'ai envie de C'est dire. ça. Les jeux vidéo, ouais. Alors, pourtant, On Gaïa, digresse. ça t'aurait certainement plu le jeu, puisque le cycle jour-nuit disparaît. Eh oui. Donc, Oui. il n'y a plus cette C'est dommage. gestion. Mais la notion temporelle reste, hein, quand Bah, même. j'avais pas encore de GBA en fait à cette époque-là et je suis pareil, j'étais sur autre chose en fait. Je jouais sur PS2 et un peu sur Oh là GameCube, donc voilà. Pokémon, Bourgeois. à Pokémon Colosseum. Colosseum. Ah non, Colosseum, par contre, non, pareil, j'ai pas joué et apparemment c'était assez pourri. Oui. Il y avait les combats aussi qui sont apparus, les combats 2 contre 2, Eh oui. deux Pokémon contre deux Pokémon. Début des combats anecdotiques, hein. Ah ouais, c'était chiant. C'était quoi? C'était dans des zones particulières? C'était Non, en dans. fait, parfois il y avait deux dresseurs qui étaient côte à côte. Tout Du coup, bêtement, quand on ouais. passait à côté, bah les deux nous affrontaient en même Mais ça, temps. par contre, j'ai toujours trouvé ça. Même la plupart des variantes, en fait, des combats, j'ai toujours trouvé ça chiant. Et Ouais, en bah, fait. au final, on revient en 1 contre 1 Ça, et très le vite. pire, Hein. c'est qu'ils les ont gardés, hein, quand Ouais, c'est même. ça, ils les Ouais. ont gardés. Je crois que les combats tournants aussi Ouais. dans la Ah ouais, 4G ou la les 5G, je sais tournantes, plus. ouais. 5G, voilà. Les combats tournants, mais ça, c'était complètement con. Et je crois que le pire truc que j'ai jamais vu, c'est dans la version XY, où avec pour les Pokémon sauvages, les combats en horde, quoi. Ah, les combats aériens, c'est quand même génial aussi, hein. Ouais, mais les C'est combats en juste un horde, combat où c'est. tu voles. Ouais, les combats en horde, je pense que c'est le truc vraiment le plus Bah, pourri de tout le jeu. on en reparlera, mais il y a quand même des intérêts dans les combats en horde qui sont. Ouais. Ouais, mais ça fait ramer à la console, c'est naze. Ah. Ok, donc les combats 2 contre 2, c'est pas forcément Non. votre tasse de thé, mais j'imagine que les concours de beauté, ça. Ah mais Ah, à vous fond. rigolez, mais moi j'étais à fond là-dedans. Hein. Ah bah, C'était pas trop moi. stratégique. Vous êtes C'est vrai fous. que c'était pas facile, hein. Non, c'est Ah vrai, ouais. je reconnais que c'était pas mal. J'étais pas du tout dedans. Moi j'étais à Mais fond là-dedans. c'est vrai que c'était quand même. D'ailleurs, je pense que ceux de Ruby et Saphir sont les mieux foutus de tous ceux qu'il y a eu, hein. Oui. Ils ont pas réutilisé la formule après, j'étais très déçu. C'est dommage, hein. Parce qu'en fait, toutes les techniques, en dehors de leur valeur de combat, avaient une valeur de style un petit Ouais. peu. Avec des. C'était quoi? C'était une qualité et. Ouais, beauté ou un truc comme ça. C'est ça, ouais. Et on pouvait donner des Pokéblocks à ces Pokémon pour augmenter leur Ouais. stade de Ah beauté et tout oui. Et ça. les On pouvait Pokébox, faire des ça nous mélanges amène et tout. ouais, au B, Ouais, qui et est. ben. Le seul élément qui utilise encore la pile de temps du jeu, c'était les baies, parce qu'on pouvait faire pousser des baies, chose qu'on pouvait déjà faire dans Or et Argent pour avoir des Pokéballs spéciales. qui permettait de capturer des insectes, des Pokémon qui nagent, des machins comme ça. Là, les baies, c'était des objets qui pouvaient se faire tenir aux Pokémon, qu'on pouvait leur donner pour qu'ils les mangent tout seuls et qui leur apportaient certains bonus. Ou alors, on pouvait en faire justement des Pokéblocks, hein, la petite nourriture qui boostait les caractéristiques de beauté, d'intelligence, de grâce des Pokémon et qui devenaient plus sexy pour les concours. Et ça avait un intérêt pour le combat ou pas du tout? Ah, aucun. Aucun. C'est juste un. C'était Barpo, indispensable. Barpo qui pouvait évoluer seulement s'il avait la caractéristique de beauté au maximum. C'est histoire de dire, quoi. Et t'avais des badges à récupérer, des choses comme ça, et il y avait tout un système de récompenses. Ouais, tu gagnais des rubans, participais au concours de plus en plus élevé, de plus en plus dieu. T'avais toujours les 8 badges, et à côté t'avais 5, il me semble, concours, un truc comme ouais, ça. Ouais, ouais, bah pour chaque stat, en fait. C'était la passion toiletteur avant l'heure, quoi. C'est trop bien. C'était pas mal foutu, quand même, hein. Ouais, moi je me souviens des concours, ouais, avec les attaques, c'est pour savoir si c'était la plus belle ou la plus c'était vraiment les seuls concours bien fichus qui n'ont jamais été faits. C'est vrai. Pour revenir au combat, notamment par rapport aux Pokémon, c'est l'arrivée aussi des caractères, hein, pour les Pokémon, donc qui agissaient donc notamment sur toute la durée du combat, notamment en termes d'immunité par rapport à certaines attaques ou par rapport au boost de certaines statistiques. On avait les caractères et les capacités, les deux, qui sont maintenant s'appellent des talents, je crois, les capacités spéciales. Oui, je crois. Il y avait les capacités spéciales. Est-ce que c'est différent? Parce que là, j'ai aussi les capacités spéciales qui avaient un effet lors des déplacements des personnages, notamment pour attirer. Oui, c'était des effets cachés, hein, c'était pas dit, mais il y avait quelques petits effets comme ça, un peu. C'est le fait d'avoir un Pokémon dans son avec soi qui avait ces effets-là sur le jeu, quoi. Ouais. Par exemple, on avait un Magnéty qui avait une capacité, magnétique. Pour attirer les Pokémon métal. Et ça attirait les types métal quand on les croisait. C'était de petites bêtises comme ça, mais c'était. Le meilleur, c'était pour faire éclore les œufs plus rapidement. Parce qu'il y en avait. Ça sauvait la vie. Ça multipliait par deux, quoi, la vitesse d'éclosion, je crois. Armure magma ou un truc comme ça. C'était l'île magma. Qui servait à rien, hein. Sauf ça. C'est ça, tout le monde en avait un pour faire éclore les œufs. Alors, impossibilité aussi de récupérer les Pokémon des anciennes versions. Mais oui. Ce qui a été assez. C'était prévisible, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est changement de support, changement de méthode de calcul aussi. Oui, les stats sont plus calculés pareil. Les cours de progression étaient différentes. Par contre, ils sont vraiment pas compatibles. Changement de support, après, par rapport à la version DS, ils ont réussi à gérer, ça en deux. Oui, parce qu'il y avait un slot GBA. Donc. Voilà. Il y avait les deux slots à la fois. Là, c'était. C'était un peu dur. Hein. On va dire que sur la DS, c'était plutôt prévu à la base, parce que d'ailleurs, Pokémon n'a pas été le seul jeu à faire une interaction entre les deux. Hein, mais... Ouais. Là, c'était un peu. Ils ont dû soit être pris au dépourvu, soit ils s'en foutaient. À mon avis, ils s'en foutaient. De toute façon, ça fait racheter des jeux. Hein. Bah oui. Bah, nous aussi, l'intérêt, on le verra après par rapport aux rééditions qu'il y avait déjà à l'époque sur GBA. Eh oui. Vert-feuille et Rouge-feu. Bah, personnellement, c'est avec ça que je suis revenu sur la série Persona. Qui sont très bons, hein, très bons. Ouais. C'est une arnaque, super. Un petit peu, mais ils sont très bons. On peut peut-être parler aussi d'autre chose. Moi, je voulais revenir sur par rapport à la version. Ruby Saphir, avec un accessoire qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir en France, mais qui est un petit peu inutile en soi, mais c'était le fameux lecteur e-reader. Oh là là, mais j'ai toujours rêvé d'en avoir plus de cartes, quoi. Je voulais tellement en avoir. Alors, moi aussi, hein. Je bavais. C'est compatible avec la GameCube, il me semble. Non, je crois pas. Non, que la GBA. Je confonds avec un autre truc, oui. En plus, moi je savais pas, mais j'ai appris que ça avait été développé à l'époque par HAL Laboratory, donc les papas de Smash Bros. Kirby, hommage HKO. Et Kirby aussi, voilà. Alors, il y avait plusieurs utilités, notamment donc par rapport aux cartes qu'on achetait. Il y avait la possibilité de se battre contre de nouveaux dresseurs, de récupérer des baies qui n'existent, des baies inédites, ou alors d'accéder, à la fameuse île du Sud pour rencontrer les Pokémon légendaires via ce qu'on appelle le pass Eon. Donc c'était une carte spécifique. Oh là là, c'est génial ça. Moi j'ai tellement rêvé d'avoir ça, mais c'est fou. Hein. Par contre, l'accessoire en regardant, ça faisait un peu. C'est assez bizarre, quoi. Ça faisait vraiment. C'est un lecteur de cartes, quoi. Voilà. C'est un peu dans le même délire que tout le reste du jeu. Quand t'es gamin, tu trouves ça trop cool parce que ça lit les cartes que tu mets dedans, quoi. Ensuite, sinon, c'est pourri, hein, c'est du toc. Il me semble que. Il me semble que c'est sorti qu'au Japon, non? Ouais, je crois. Aux États-Unis aussi. D'accord. Parce qu'il me semble qu'il y avait un mini-jeu aussi dans chaque carte. Ça, j'avais vu ça, Ouais, oui. j'avais lu ça dans Ah. Console Plus à l'époque. Et le truc, en fait, en France, on avait les cartes qui avaient genre le code barre ou je Mais sais pas oui, quoi. ça me Et rendait fou. ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu voyais le truc, il te manquait le lecteur. Ouais, il te narguait, quoi. À la limite, si t'achetais le lecteur, si tu l'importais, tu pouvais peut-être te servir des cartes françaises pour. Peut-être, ouais. Je sais pas, franchement, j'étais pas J'ai trop un dans petit l'import doute, à mais. l'époque, mais. Possible. Ça aurait été possible, peut-être. Quoique, je suis pas, parce qu'en fait, il y aurait peut-être eu un problème de compatibilité des versions de jeux, en fait, plus que des Ouais, consoles. sûrement. Oui, c'est possible aussi. Parce que les noms sont pas les mêmes, les machins comme Ouais. ça, c'est. Le lecteur aussi pour l'histoire permettait aussi de jouer à des jeux NES sur sa GBA. Donc il y Ouais, avait de la balle. donc c'était bon, c'était sympa, c'était plaisant pour ça pour jouer sur sa console portable. Mais on l'a jamais eu. Non, là, j'ai vu. C'est ça. Du coup, on n'est pas content. Voilà. Ou C'est comme le DD64. Rendez-nous le DD64. le lecteur zip de la Dreamcast, quoi, c'est pareil. Oh Mais merde. ça, c'est une autre histoire. Alors, il y avait plus de Team Rocket, mais on avait maintenant deux teams différentes. Donc, il y avait la team Magma et la team Aqua, Ouais. qui Et avaient. d'ailleurs, l'histoire changeait selon la version qu'on avait. Donc, dans une version, la team Magma était gentille, et dans l'autre, c'était les méchants, et inversement. Voilà. Et en fait, il y en avait un qui voulait voilà, faire en sorte que l'eau soit de l'élément Ouais, prédominant. recouvre Et l'autre toutes que les la terres. terre. Comment tu peux vouloir ça? Bah écoute, hein. Ça n'a aucun sens. C'est Greenpeace avant l'heure, C'est l'homme de l'Atlantide. hein. C'est très, oui, c'est très manichéen. Ah ouais, Bah oui. mais là encore, enfin, on a fait tout un flanc sur noir et blanc, oui, l'histoire et tout, l'idéologie et tout, mais en fait, Ouais, c'est c'était pareil. exactement la même chose, hein. C'était exactement la même chose, sauf que bon, Il n'y a ils que ont la pas le Team même Rocket qui thème. était réaliste au final. On va dire Sinon, les autres, sauf des Rocket, fous. c'était des racailles mafieux. Ouais, des racailles, Mais au final, ouais, c'est ça, ouais. c'est ceux qui ont le moins d'histoire qui se retrouvent Ouais, à être putain, Giovanni dans les mieux dessin faits, animé, il faisait quoi. flipper, quoi. Ah bah c'était un mafiosi, hein. D'ailleurs, Ouais. il s'appelle Giovanni. Giovanni, c'est pas pour rien. Voilà, mais il me faisait penser à. Bon, moi, c'est parce que je suis un vieux, mais il me faisait penser à un personnage de l'inspecteur Gadget, un Bah méchant. oui, bah le Mad. méchant. Docteur Mad. Le docteur Mad, voilà, tout à Ah fait. ouais, Avec c'est son vraiment chat. le mec avec le col roulé et tout, Ouais, le c'est costard qui va te casser les deux jambes. ça. C'est ça, C'était avec ça. le sourire. Oui, Et puis ouais, c'est vrai. là on Vas-y, commence à s'enfoncer dans le délire un peu, dans le délire un peu idéologie, cosmologie dans tous les vas-y. sens, C'est trop avec bien. les Pokémon dieux qui commencent pas. Ça commence doucement, hein. Les Pokémon dieux qui Ouais. peuvent détruire le monde et tout, mais on peut les capturer avec une Pokéball, donc ça va au C'est dans la final. quatrième génération plutôt, ça. Pas dans la troisième. On a quand même les prémices dans la troisième. Ouais, c'est T'imagines vrai. certains Arceus. T'as Jésus et C'est ça? t'as Jésus bah, pas dans ton C'est un peu deck, mais ça. dans. C'est un peu comme si voilà, tu pouvais dire à Jésus, bon bah j'ai besoin de toi, tu peux venir me faire un miracle, s'il te plaît? C'est un peu le même concept, mais à Pokémon ça marche mieux parce que bon, c'est pas Jésus, mais. Jésus voulait dans ta Ah, c'est Pokémon. ça un peu, ouais. La classe. Mais c'est vrai Effectivement. que quand on voit les Pokémon légendaires, on va dire c'était assez simple entre guillemets dans Pokémon Ouais. bleu et rouge, et là on a. Un truc qui est toujours drôle avec Pokémon, c'est quand même de regarder les définitions du Pokédex qui sont vraiment. Enfin, les mecs, quand ils ont fait les définitions du Pokédex, ça se voit qu'ils n'avaient pas du tout prévu où ça irait, quoi. Parce qu'il y a des trucs, par exemple, l'Arcanin dans la première, il était considéré comme légendaire. Ouais. Donc, déjà. Puis, bah, par exemple, Groudon. Il dormait dans le magma souterrain depuis sa lutte féroce contre Kyogre il y a longtemps de cela. Donc, c'est vraiment un truc légendaire et tout qui n'existe plus. Et voilà, dans les Moi, je me versions souviens de la suivantes, il a description permis de au continent de Ocelette. s'étendre. Ça devient vraiment des dieux, quoi. Je me rappelle de la description de Ocelette dans Rouge Bleu, Ouais, il y qui avait des trucs porte. qui mettaient le malaise, Qui hein, mettait quand un peu le même. bad, ouais. Hein. Ouais. Genre des vols de rêve, des trucs comme ça, C'est enfin ça. c'est. Et depuis, les mecs ont fait les descriptions des animaux dans Animal Crossing quand tu les captures, C'est ça. Ils se sont dit, on va se calmer, on va rester plus terre à terre en faisant des blagues, parce Faire que des quand jeux même de mots. Groudon qui a créé les continents et puis on peut le capturer. On remarque maintenant, il y a des trucs encore assez chelous, hein, Ah dans ouais, le. mais le fait d'avoir toutes les définitions qui s'accumulent, ça Ouais. devient vraiment n'importe quoi. Faut pas y regarder trop près, hein, Et parce en plus, que. Oui, voilà, elle c'est un change à chaque truc. génération. C'est Il ça. change la définition à chaque génération, donc t'apprends encore plus de trucs bizarres à chaque fois. Ah ouais, tu te retrouves avec. Surtout sur ceux de la première génération, au final, t'apprends des trucs qui n'ont aucun sens. Genre, ils peuvent soulever des éléphants d'Afrique et Ouais. tout. Voilà. Par exemple, Kadabra, c'est un enfant humain avec des Ouais, pouvoirs voilà. psychiques. Putain. Dans les premières versions, c'est ça. Et puis bah, après, il y a eu des trucs d'ombre qui éteint les télés. Puis après, il apporte le malheur. Et puis, enfin, waouh. La description de tout à fait était bien dark dans je sais plus quelle génération. Oui, mais c'est ça, ils ont eu un gros problème avec les gens qui meurent, les enfants qui meurent aussi dans Pokémon, voilà, je sais pas ce qu'ils ont. Il y a toute une branche un petit peu plus dark, un petit peu plus bad qui. Heureusement qu'on s'en fout un peu de tout ça, parce voilà, que ouais, franchement ça met un peu le ça c'est met anecdotique, un peu le malaise, mais hein. c'est anecdotique, mais c'est ouais. C'est, un peu c'est bizarre. On se demande trop ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Et vous avez passé beaucoup de temps sur ces versions-là Ouais, pas mal. Beaucoup, moi. Pas bah déjà que parce que pas mal, ouais. Il y avait plus de stratégie déjà dans les combats, donc ouais, faire une équipe, ça prenait plus de temps et tout. Et bah les concours Pokémon, tout ça. Franchement, j'ai passé pas mal de temps dessus, ouais. Ah, comment ça se passe? Parce que tu me dis que tu passais beaucoup de temps. Vous savez à peu près à l'avance, vous dites bah moi il me faut un Pokémon de tel type pour composer mon équipe, ou alors c'est au fur et à mesure de l'avancée dans l'aventure? Ah, c'est un peu les deux. C'est avec le matraquage, ouais, à force de faire les différentes générations. T'as l'habitude maintenant. C'est ça. Ça devient limite instinctif de se dire bon bah toi t'es tel type, donc si je te prends, je vais prendre lui parce qu'il est tel type aussi. Donc ça se fait vraiment tout seul au bout d'un moment. Mais du coup c'est pas trop restrictif par rapport au choix qu'on peut avoir finalement dans le jeu? Non, pas du tout. Bah vu le nombre de bestioles déjà. C'est ça, ouais. Il y en a toujours plus du coup au final. Et puis maintenant même moi je regrette qu'on ait pas des équipes de 12, hein. Franchement. Et moi aussi. Putain ouais. Aussi, ça va être aussi l'intérêt du coup, oui, aussi, parce que finalement on capture beaucoup de Pokémon, mais peut-être passer un certain moment dans le jeu. Bah, il y en a plein qui ne serviront jamais. Voilà, ouais, c'est ça. C'était déjà le cas dans les rouges et bleus, alors là, dans la troisième génération, ça commence à être beaucoup. Déjà, et encore, il n'y avait pas tout le monde. Oui, il y avait 250 Pokémon, là, alors je ne sais pas exactement combien il y en a, mais c'est. Une grosse centaine en plus, mais voilà. Tous les anciens n'étaient pas disponibles par contre. Ouais, ouais. Mais par contre, tu pouvais les récupérer justement avec... Via Rougefeu et Verfeuille. Voilà. Ça se focalisait surtout sur les nouveaux Pokémon, la troisième génération. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Et puis Rougefeu et Verfeuille, ouais, ce qui étaient les remakes de la première génération, ont permis de boucher les trous en rajoutant des petites parties. Et du coup, on pouvait récupérer les Pokémon de ces versions, des premières versions. Voilà. Et il y avait Pokémon Colosseum aussi. Parce qu'en fait, si on voulait tous les Pokémon de bleu, rouge, or et argent, il fallait avoir Pokémon Colosseum, Pokémon XD... Pokémon GameCube en plus, évidemment. Ouais. Voilà. Il fallait finir les jeux. Et Saphir. Il fallait avoir toutes les versions sorties. Ils les avaient tous éparpillés. Par exemple, il était légendaire dans le premier jeu GameCube Colosseum. Lucia, il était légendaire dans le deuxième jeu GameCube. Donc il fallait les deux si on voulait les deux légendaires. Alors pour avoir le Pokédex total, c'était un bordel. Il fallait des jeux de merde, quoi. Parce que Colosseum et XD. Je les trouvais pas mal. Il y avait le mec qui faisait du disco, là. Il était stylé. Hein. Ouais. Oh, XD, c'était lent et moche. C'est une version, c'est quoi? C'est un RPG? C'est un RPG bizarre. C'est un Pokémon dark, un peu. Mais c'est même pas dark, c'est mal foutu. Et qui reprenait le principe de Pokémon ou c'était complètement différent? Ouais, ça reprend le même principe, mais c'est en fait. Ils essayaient de faire des histoires. Ouais, des histoires un peu compliquées. Genre, t'es pas un dresseur qui part à l'aventure, tout ça. Tu genre, t'as des corporations, tu voles des Pokémon. Des syndicalistes. Ouais, c'est ça. Des jeux qui sont chiants comme la pluie, hein. Ils sont vraiment pourris. Ouais. Mais c'est qui, nul. Bizarrement, ont pas mal de succès en speedrun. Ah bon? Ouais, ouais. Bizarrement. Ah ouais. Hein. Enfin, ils ont surtout du succès parce que quelques grosses pointures du milieu le font, quoi. Mais quand même. Pour revenir donc sur Rougefeu et Verfeuille, eux sont tous sortis en 2004. Donc, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en France. Vous les aviez pris également à l'époque ou vous êtes ouais, vraiment, ouais. Moi je suis revenu sur Pokémon avec ces versions là. Et à noter qu'avec ces versions, il y a le sans fil qui est apparu parce qu'il y avait un petit adaptateur. Le retour des trucs anecdotiques. Ouais, qu'on mettait sur sa Game Boy et on pouvait jouer à distance avec un mec en face sans câble link en fait. Voilà. Ça servit que pour ce jeu là. À petite distance, hein. C'était à distance de câble link sauf qu'on n'avait pas le câble au milieu. <C'est ça. rire> Et ça a servi que pour ce jeu. Hein, donc... c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est clair. C'est... Et j'ai une question. Parce que tout à l'heure, vous parliez du fait qu'ils aient changé le système de stats. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a un rééquilibrage qui est fait sur les 250 premiers Pokémon ou, Pas vraiment. Parce qu'en fait, c'est les calculs des statistiques de base qui ont été recalculés, pas les statistiques propres à chaque Pokémon. C'est juste qu'en fait, on est passé d'une base sur 15 à une base sur 31, je crois, en raison de la puissance de Game Boy Advance. D'accord. Mais sinon, le calcul, la puissance relative des Pokémon est la même. Du coup, les valeurs changent pas vraiment. Ok. Il y a aussi la fameuse tour de combat qui était apparue, il me semble, avec or et argent, mais qui continue maintenant. Ah, cristal. Cristal. Ouais. La tour de combat, ça a toujours été l'apanage des versions, des troisième versions. Hein. Oui, parce qu'en fait, il y avait toujours une version complémentaire qui venait quelques mois après. On n'en a pas vraiment parlé, il me semble, mais... Ouais. Avec des animations. Il y avait Crystal, il y avait Emerald pour... Ouais, c'est ça. La version pour la 3G, oui. Et oui, donc du coup, par contre, là encore, on parle sur Emerald, donc c'est pour prendre l'exemple d'Emerald, donc c'était une version améliorée des deux Ruby Saphir. Par contre, là encore, on n'avait pas tous les Pokémon dans la même cartouche, il fallait toujours faire l'échange Ah, il y avec en avait un les. peu plus, mais c'était pas encore ça. Ouais. Et le légendaire de la boîte était différent, c'était Rayquaza, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc pour compléter le trio. parce que ouais, là ça commence à être la folie des légendaires, parce qu'on a trois. T'as toujours un trio, moi. Voilà, on a un trio, on en a un par version et on en a un en plus. Et on en a deux cachés. Donc ça commence à faire pas mal de légendaires. Hein. Et on se demande ce qu'ils ont de légendaires encore. Hein. C'est ça. Parce que, bon, il y en a à tous les coins de rue. Hein. Ils sont légendaires parce qu'ils sont ils peuvent être chauds à capturer. Mais bon, après, tu les as dans ton équipe. Normal, et parce qu'ils sont uniques aussi. Ouais, voilà. Aussi. Voilà, c'est ça. C'était vraiment le fait unique. Mais il y en a de partout. Il y en a qui débandent. En plus, c'est la période avec la Game Boy Advance où les events ont commencé à se multiplier. Ouais, ouais. Ça a commencé à partir dans tous les sens. Ça, c'est comment ça. C'est l'industrialisation de Pokémon un peu. Hein. Bon, en fait, c'était déjà le cas. Mais, Ah ouais, mais là, ça, quand même, les événements ont commencé à prendre une tournure vraiment hallucinante. Tous les Micromania, tous les Toys R Us en faisaient, c'était vraiment la période où ça s'est lancé. Toujours le même principe de récupérer des Pokémon, comme là, sur Pokémon XY, tu as... Ouais. Comment il s'appelle c'est un des... c'est plus, Poussifeu. Le Poussifeu, oui. Voilà. Voilà. Qui vient de la troisième génération, d'ailleurs. Ouais. Qui est un starter feu de la troisième génération. Ouais. Qui devient Feu Combat, et c'est une histoire qui va aussi pas mal durer. Oui. Parce que bizarrement, le type Feu Combat pour le starter feu va devenir une tradition sur trois générations, on sait pas pourquoi. Grand désespoir de tout le monde. Oui. Ouais. Et à chaque fois, on se dit, il y a un espoir, ça va pas être ça. Et puis, et si. Et ils nous ont fait une belle carotte sur la dernière où c'est Feu Psy. Hein. C'est foutage de gueule, j'ai envie de dire. Ouais. Bizarre. Et pourquoi est-ce que c'est. Pour bien comprendre, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Ben c'est toujours pareil quoi. C'est ça, ouais. Ce qui était intéressant avec les starters, c'est qu'ils sont toujours différents. Parce que, bon, admettons Tortank et Alligator, un des deux premiers, sont du même type, d'accord. Ils sont tous les deux pur type O, mais il y en a un qui est plus dans la défense, hein, qui est plus dans l'attaque. Alors que là, les types feu, ça a toujours été la même chose. C'est on est fort en attaque, on est type feu, on est type combat, on va vite. Et puis ça a été ça à peu près, quoi que l'on va vite à la limite, d'accord. Mais c'était toujours les bourrins type feu combat. Ouais. C'était un peu morne comparé aux autres qui ont commencé à avoir des hauts aciers, des hauts sols, des plans de sol, des types vraiment marrants. Comment tu disais quoi, Tuntun? Je disais c'est peut-être pour ça que j'ai pris que des feux, c'est parce que c'était le truc pour les bourrins. Moi je prenais que haut, parce que c'est la classe. J'ai changé là, pour XY, j'ai pris un haut. Bon, c'est avec la version, avec la 4G, je suis passé au feu, mais sinon j'étais très haut aussi. Là tu parles de la 4G, bah, c'est je pense le sans voilà. Transition. Cette transition, je l'avais préparé. Merci, c'est les pros ici. Des gros moyens. Parler de Diamants et Perles, donc la quatrième génération sortie sur Nintendo DS. Donc sortie en 2006 au Japon et 2007 aux États-Unis et en France. Alors que la DS commençait à vraiment bien cartonner. Ouais, ils l'ont bien sorti au bon moment. Ouais, tout à fait. Avec mon starter, on retrouve toujours la même chose, hein, comme on le disait tout à l'heure. Donc il y avait type plante, type feu et type eau. Donc Tortipousse pour le type plante, Mysticram pour le type feu et type loup pour le type eau. Mysticram. Ah, il était tellement bien, Simia Braz, il était trop beau. Ah ouais, il était super classe. Le meilleur, c'est Pangoléon, vous êtes fous. Non. Ouais. Attends, un pingouin, Napoléon, c'est trop. Vous êtes taré. Wistikram, déjà Wistikram, sa forme de base, elle est trop mignon. Puis après, voilà, il est trop mignon. Et puis après, oh là voilà. Là. Simia Braz, c'est trop la classe, quoi. Vous aimez pas Moussif, c'est que pour ça. C'est ça. Private joke. Enfin, bref. Donc, par contre, le nombre de Pokémon, 493, c'est juste... Trop. Commence à faire beaucoup, beaucoup, ça devient hard. C'est trop. Et là, on parle même pas des Pokémon légendaires où ça part dans tous les sens. D'ailleurs, moi, je l'ai pas acheté. Perle, Diamant, je l'ai pas acheté. Hein. J'ai acheté à Platine, à pas cher, parce que je me suis dit pour voir, mais ça va vraiment pas ambiancé du tout. Du coup, moi, j'avais enchaîné, vu que je m'étais remis avec Rougefeu et Verfeuille, mais du coup, vu que j'avais une DS, je me suis remis avec Diamant. Moi j'avais pris Perle à l'époque. Et Diamant pour moi. J'ai passé ma vie dessus. Justement, je vais vous demander, parce que chacun a pris un peu une version différente, mais qu'est-ce qui vous lance plus sur une version que sur l'autre? Alors, bah, le Pokémon qui est sur la pochette. Ouais, ça et les Pokémon exclusifs à chaque version. Ouais, voilà. C'est les différences. C'est tout. Hein. Moi, les exclusifs, au préalable sur, je sais même pas ce qu'il y a d'exclus. Sur les Pokémon, voilà, les Pokémon disponibles avant ouais, la version. Je prends le Pokémon gameplay, moi, celui qui a. Ouais, c'est en gros, c'est ça, c'est un peu au pif. Hein. Amstram Gram, ouais. Et puis on est parti, quoi. Par de toute façon, tu peux faire des échanges, donc, au final. Oui. Par exemple, oui. Pour blanc-noir, pour moi, il n'y avait aucune hésitation, quoi. C'était la version blanche, quoi. Ah, super, quoi. Ouais. La Lycra sera mise au courant. De base. C'est ça. C'est ça. Non, mais la version, c'était la version blanche, mais le Pokémon était noir, c'était Zekrom. C'est vrai. Et Zekrom, ils étaient trop classe. Quoi, tu fais du racisme anti-blanc? Mon feu de chier. Alors, la DS, alors on peut peut-être déjà tout de suite parler de la connectivité. Ouais, c'est un gros changement. Le Wi-Fi arrive, le Wi-Fi arrive, quoi. Ah oui. C'est la révolution. Le changement, c'est maintenant. Ouais, c'est exactement ça. Vous vous rendez pas compte, quoi. À l'époque, je peux faire un combat contre un japonais à l'autre bout du monde. Ah, moi je m'en foutais totalement. Hein. Et puis moi, multijoueur avant la 4G, je m'y intéressais pas du tout, puisque bon, j'étais déjà. Avec Cable Link, quoi, c'est chiant. Voilà, c'est puis j'étais déjà plus. J'étais déjà aussi beaucoup plus vieux. C'est vrai. Encore plus vieux qu'avant. Encore plus vieux qu'avant, et forcément. Chaque année, il vieillit. Voilà, c'est ça. Ah bon. Et pour trouver des gens qui voulaient jouer à Pokémon avec moi, je veux dire, alors que les gens de mon âge n'étaient pas du tout leur centre d'intérêt. C'est vrai que je vois mal, peut-être. Tu veux changer mon salamèche? Non. Sexto. Par contre, du coup, avec la DS, oui, pour les échanges surtout pour les échanges, ouais. On savait pas ton âge. Ça facilitait vachement la vie. Pour le truc, par contre, tu troques le câble Link pour la clé web, quoi. Donc c'est pas. Voilà, oui. Ouais. Ça c'est cool. Le sans fil local, c'était vraiment bien, quoi. Parce qu'en plus, t'avais quand même une bonne distance entre deux DS. Et du coup, c'était quand même beaucoup plus pratique, quoi. Ensuite, la version en elle-même, moi personnellement, je suis pas fan. De quoi? De platine ou de. De. En fait, je suis content d'avoir fait platine parce que oui, apparemment, parce que ça platine a eu énormément d'améliorations par rapport à. Ouais. Je peux témoigner. À Diamant et Perle qui était plutôt pauvre, hein, quand même. J'ai fait platine aussi, ouais. Platine, c'était le jour et la nuit. Ouais. Et donc, j'ai plutôt bien aimé, mais même là, ça a commencé à partir un peu trop loin, et c'est à partir de là que j'ai commencé à dire que j'étais un peu à hardcore Pokémon malgré moi, en fait. Mais parce que niveau stratégie, ça. Mais... Niveau stratégie, ça allait, moi, c'était vraiment au niveau du jeu même que ça. Ah. Mais c'est une version que j'ai. J'ai joué pas mal de temps quand même, mais je crois qu'il me semble que je l'ai même pas fini, tu vois. C'est pareil pour moi. Ah, moi j'ai fini Perle, j'ai fini Platine, j'ai 200 heures sur chacun. Il me semble que je l'ai les deux, que ce soit Diamant et Platine, je suis allé plus loin dans Platine quand même, mais les deux je les ai pas finis. Il y a eu une écharpe dans Platine. Ouais, voilà, c'est pour ça, c'était meilleur. Ils étaient très très longs de mon souvenir. Oui, ils étaient Diamant, super longs. C'était vraiment très très long. Il y avait une grosse durée de vie. Mais ouais, ils étaient pas mauvais, mais en fait, c'est vraiment dans le délire. Bah, on retourne encore sur le délire des légendaires. Là, ça partait vraiment loin. Ah ouais. J'adorais, moi. Très bien. C'était quoi c'est le fil rouge du jeu ou... Oui, parce que il y avait beaucoup de légendes dans la région de Sinnoh, quoi. Donc, genre, on avait un trio qui protégeait les lacs, un autre qui. Bah, le trio principal, donc Dialga, Palkia et Giratina, qui était qui contrôlait le temps et l'espace, tout ça. Ouais. Donc... Et puis après, par-dessus, ils ont rajouté le dieu créateur de toutes choses. Ouais, Arceus, voilà, le dieu des Pokémon. Et donc là, ça commençait quand même pour moi, je commençais à dire, oula, c'est bien les petits potes, mais... Faut arrêter la drogue, quoi. Faut arrêter la drogue, c'est ça. Les méchants, c'est la Team Galaxy. Et c'était trop bien, c'est les meilleurs méchants. Ah ouais, moi je suis désolé, pour moi c'est le meilleur. C'était quoi leur but dans la vie? Bah de contrôler le temps et l'espace, tout simplement. Normal quoi. C'était génial. C'était pas le pire, hein. Mais pour moi personnellement, les pires sont ceux de la toute dernière génération. Ils sont magnifiques. Team Fly, ils ont le swag. Non, je les déteste. Franchement, il a un caca orange sur la tête. Moi, j'aime beaucoup ça. Je les supporte pas personnellement. Mais les mecs, reviendra... ils te taunent sur tes goûts vestimentaires quand même. Ça, on y reviendra pour la partie sur XY. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment ceux que j'aime le moins. Mais pour moi, la Team Galaxy, c'est vraiment la meilleure parce que leur boss, il était vraiment taré de. Je sais pas, j'ai un amour pour ce personnage. Parce que. Même plus. Mais il est taré parce que, en fait, dans Platine, il se fait enfermer dans le monde parallèle avec Giratina. Ah, mais oui! C'était dingue. Ah, mais c'est lui. Tu le laisses dans sa misère. C'était un peu Dragon Ball Z. Non. Il y a le système de combat qui a aussi évolué. Notamment, alors, le fait que ce n'est plus le type d'une capacité qui détermine s'il s'agit d'une attaque physique ou spéciale. Et ça a tout changé. Ah ouais, c'était vraiment niveau ça, stratégie. C'est le meilleur changement qu'il y a eu dans le jeu. Ouais. Est-ce que vous voulez bien expliquer le. Bah, vas-y, Lougar. Ouais, ok. Bah, alors, en fait, avant, selon les types. les attaques utilisaient deux statistiques différentes. Deux statistiques d'attaque et deux statistiques de défense. Donc l'attaque et la défense pour tout ce qui est physique, les types comme roche, sol, des conneries comme ça. Ouais. Et attaque spéciale, défense spéciale pour tout ce qui est attaque magique à distance, on va dire plus ou moins. Donc du coup les types eau, les types feu, tout ce qui n'a pas de contact direct. Et puis à partir de cette version justement, eh ben, le lien entre physique et spécial n'a plus aucun lien avec le type. Donc par exemple, on a, par exemple surf qui était l'attaque haut de base, ouais, reste toujours spécial comme l'ont été les types jusque là. Mais maintenant il y a des attaques physiques de type haut, genre aqua jet. C'est ça, cascade ou aqua jet sont des attaques de type haut mais qui attaquent physique et donc qui sont influencées par l'attaque de celui qui la lance et par la défense de celui d'en face. Et du coup, niveau metagame, ça renverse complètement le truc. Parce qu'il y en a certains, qui des Pokémon qui deviennent enfin utiles. C'est ça. Et d'autres qui tombent un peu dans l'oubli, mais bon. Par exemple, Léviator ou Alligia Tueur, qui avaient attaque. Ils avaient une attaque super haut, mais vu qu'ils étaient type haut, et ben ça servait à rien parce qu'ils avaient besoin d'attaque spéciale. Ouais. Et puis maintenant qu'ils ont des coups comme cascade, et ben ça tabasse sévère. D'accord, donc c'est vraiment un vrai réarrangement du. Moi, c'est là que je me suis lancé dans la stratégie. C'est vraiment le point qui a tout changé. Pour beaucoup, je pense que c'est ça. C'est vraiment le renouveau du metagame, comme on dit. Ouais. Alors, c'est une. Alors, par contre, le tactile, c'était un peu dommage. Il n'est pas été. Ça ne sert à rien, quoi. Le tactile a été super bien utilisé dans Heart Gold et Soul Silver, par contre. Donc les remakes de Or et Argent, la version Game Boy Color sur Nintendo DS également. Alors qui sont géniaux aussi. Hein. On peut parler du coup du. C'est de l'arnaque parce que c'est un remake, mais. Voilà. Donc, je suis passé à côté. Je préfère Platine. On peut revenir aussi sur le fait que les jeux Pokémon sur les épisodes principaux sur console portable. Ont souvent été associés à un accessoire, souvent pas systématiquement, mais on l'a vu avec le lecteur et reader sur la version Game Boy Advance. Il y avait aussi la mini console Pikachu, qui était sortie à l'époque des versions Game Boy, et là on retrouve le fameux podomètre, donc le Pokémon Walker. Invention de ouf. Je l'ai jamais utilisé. Quelque part, c'est le prototype de la 3DS, j'ai envie de dire. Un peu, ouais. C'est ça. Parce que, donc, il y avait la possibilité de faire gagner de l'expérience à un Pokémon que l'on stockait sur cet accessoire qui ressemblait à une Pokéball aplatie, en fait. Avec un écran au milieu. C'était pour les remakes, pas pour. Pour Heart Gold, Soul Silver. Voilà. Personnellement, je suis complètement passé à côté de ce remake, mais je pense que je vais me le prendre pour la collection. Tu loupes rien. C'est juste un remake. Enfin, il y a pas de. Autant dans Rouge Feu, Vert Feu, il y avait un petit ajout par la suite de l'histoire. Là, c'est vraiment du remake pur. C'est super bien fait, mais c'est du remake pur. Mais il garde les défauts des originaux. Donc, Après, je me rappelle si t'as pas Or et Argent, c'est peut-être mieux. Ouais, par contre, ça vaut carrément le coup. Ouais, j'ai pas fait Or et Argent, donc peut-être que. Ah, bah oui, il faut les prendre. C'est vraiment une refonte, quoi. Il y a rien de plus, mais c'est juste mieux fait, quoi. C'est ça, je me souviens du test qu'il y avait eu sur GB à cette époque-là, je veux dire où le testeur disait que c'est vraiment il y avait vraiment aucune nouveauté par rapport à l'original, mais c'est juste super bien fait. C'est juste que ça c'était plaisant, voilà. C'est ça. Et il y avait du coup aussi la possibilité de transférer des Pokémon peut-être de justement Heart Gold et Soul Silver sur Diamant et Perle. Et surtout. On avait le slot GBA, comme on le disait avant, qui permettait de transférer des Pokémon Game Boy Advance à des Pokémon de version DS. Donc on avait potentiellement toutes les. Les versions. On pouvait tous les avoir. Presque tous les Pokémon. Toujours à supposer qu'on avait la GameCube avec les deux jeux GameCube, les deux versions Game Boy Advance, les deux versions. Mais techniquement, tu peux tout avoir. Techniquement, c'est ça. Et puis surtout avec l'échange en ligne, ça facilitait grandement les choses. Avec la fameuse Global Trade Station. Ouais, c'était une bourse en ligne de Pokémon. Même si il valait mieux avoir 10 Mewtwo. Ouais, c'est vrai. Niveau 9. pour finir, par contre, une fois qu'on terminait le jeu, est-ce que derrière il y avait du contenu supplémentaire ou on était juste. Heart Gold et Soul Silver? Dans les deux, on va dire, les épisodes De Platine a vraiment. Ouais, en fait, dans Diamant Père, après avoir fini le jeu, il y avait juste une tour de combat. Et dans Platine, ils ont rajouté une zone de combat, un peu comme dans Emerald, où il y avait plusieurs types de combats spéciaux, genre l'usine de combat où on choisit des Pokémon ouais. prédéfinis, tout ça. Ils sont partis en live un peu sur les... Mais c'était génial, ça. Ouais, c'était bien fait, mais alors... Au niveau du rallye. Les zones de combat, ils ont essayé tous les concepts du monde, je crois. Ouais, bah. Il y en a c'était plus marrant, ou moins c'était marrant, ouais. Et ils gardaient également les, ce qu'on avait vu dans, dans la troisième génération, il y avait les combats en 2 contre 2. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux types de combats, ou alors ils sont vraiment restés... Non, ils ont gardé les mêmes. La même chose que ce qui était fait. Et donc, la zone de combat de Platine a été aussi incorporée après dans Heart Gold, Soul Silver. Voilà. C'est exactement la même, hein, copier-coller. C'est vrai. Ils sont pas embêtés, quoi, du coup, pour le... Ah oui, oui. Ah ouais, non, c'est... Franchement, c'était paresseux, hein. Heart Gold, c'était bien. Ah ouais. C'était paresseux. Hein. Ouais, c'est pas mémorable. Il y avait l'apparition du Pokéathlon qui remplaçait les concours. C'était marrant. Oh, pfff. Vite fait. J'ai pas le souvenir de ça. C'était vraiment, c'était anecdotique au possible, hein, c'est ça en fait. Oui, c'était marrant en 2 minutes quand même. C'est ça. Ça valait pas les concours d'avant quand même. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, alors qu'est-ce qui vous a... Bah, ce sont deux jeux que vous aviez appréciés. Alors déjà, vous commencez par Diamant et Perle, c'est... Diamant et Perle, j'ai bien aimé, mais ouais. C'est Platine qui a la perfection de la 4ème génération, je trouve. Platine est pas mal, ouais. Moi, je suis pas fan de la 4ème génération, mais Platine, c'est vrai que quand je l'ai fait, j'avais eu une grosse coupure où je m'en foutais de Pokémon, mais c'est vrai que Platine m'a permis d'en mettre un pied dedans. Ah, Platine, c'est mon jeu préféré Pokémon, donc je le dis tout de suite. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est une génération que, personnellement, je trouvais très plaisante, parce que je m'y remettais, puis personnellement, les innovations liées à la DS... C'est un peu, ouais. Les innovations liées à la DS, c'était franchement cool. J'adorais la région. Mais du point de vue du jeu pur, c'est pas forcément un de mes préférés non plus. Et toi, Tuntun, t'as eu la possibilité de... T'as eu l'occasion d'y jouer? Ouais, bah, Diamant et un peu comme Gallium, je pense qu'il me semble, dans mon souvenir, j'ai pas fini. Et c'est pas une génération qui m'a vraiment marqué. Pourtant, je l'avais vraiment attendu et tout. Ouais, c'est ça, pareil. En fait, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas marqué. Voilà, c'est... J'ai beaucoup plus de souvenirs sur les deux premières générations. Les musiques sont énormes. Sur la troisième. Je suis désolé, mais c'est la meilleure musique de la série. Les meilleures musiques d'ascenseur de la série. Ouais. De la 4G, tu parles, non? Ouais, ouais. Alors, je me souviens qu'il y a des musiques de combat, notamment, qui étaient super cool. Ouais. Trop de basses. Celle de... je sais plus si c'était celle des rivaux ou du rival ou des champions d'arène, mais il y en avait une qui était vraiment super cool, que je trouvais. Il y a peut-être aussi le fait qu'on arrive sur des processeurs sonores qui sont... Oui, ça doit être ça. Hein. Ouais, et ça le jeu commence à se développer, ça se voit. Puis même, ça avait un feeling très Super Nintendo que j'ai tendance que j'ai tendance à regretter un petit peu avec la version XY, même si ça change beaucoup de choses, la 3D, tout ça. Ce feeling Super Nintendo, c'est très 16 bits, en fait, j'accrochais beaucoup. Alors la 4ème génération, c'est marrant parce que quand on regarde les générations précédentes, ça n'a jamais dépassé 4 jeux, voire 5, non, 5 ou 6 si on compare, si on prend toujours les 3ème versions qui sont sorties. Mais là, sur la Nintendo DS, ça a été particulièrement gâté avec les épisodes Pokémon, puisqu'on a eu la chance... Alors, je pense qu'on peut peut-être les lier tous les deux ensemble. La version noire et blanche, et après on parlera de la version noir 2 et blanc 2. Qui marquait une rupture avec ce fameux épisode complémentaire qu'on se tapait une bonne année après. Et là, oui, par rapport à dans la 5ème génération, il n'y a pas eu cet épisode complémentaire. Il n'y a pas eu de Pokémon gris, comme on pensait à l'époque. Et surtout, ça a été encore une fois sur DS. Il n'y avait plus la rupture de la console. Alors que la 3DS était déjà sortie, mais il fallait attendre que le parc installé soit suffisant. D'ailleurs, on y a cru, hein, à Pokémon noir 2, blanc 2 ou gris sur 3DS. Hein, on y a cru. Ouais. Mais ouais, je pense qu'à l'époque, le parc de machines installées n'était pas encore optimal pour Pokémon. Il est sorti en deux, alors, finalement très peu de temps par rapport à Platine, après Platine, quoi, puisqu'on est deux ans après sa sortie, puisque au Japon, Pokémon Noir et Blanc sont sortis le 18 septembre 2010, mars 2011 pour la France et les États-Unis. Donc là, on était vraiment sur des sorties quasi simultanées, exactement, notamment à deux jours près, même il est sorti en France avant les États-Unis, donc c'est une petite révolution à ce niveau-là. Mais moi je me souviens surtout, alors j'ai pas fini le jeu, mais de ce que j'en ai fait. Alors déjà, la partie graphique, parce que là c'est la première fois où je remettais les pieds dans l'univers Pokémon après l'épisode de bleu et jaune, Donc forcément, graphiquement, on a passé un gap. Oui, ouais, ça a dû te faire bizarre. Alors que forcément, 15 ans c'est après. Important. Oui, ouais, c'est vrai c'est que c'est ça, un ouais. peu changé. Et alors, on garde toujours un starter, voilà, comme on le disait au début, on a toujours un. Donc, il y a Vipelière, type plante, Gruikui, j'ai Gruikui, mon amour. Commencé avec celui-là aussi, donc type feu, et Moustillon, type eau. Moustillon représente. Kyoto, t'es très, très Pokémon eau, toi, pour Ah ouais, commencer, je prends là. que les Pokémon eau. C'est la tradition. Ouais. Et alors, moi, c'est plutôt le. Parce qu'on parlait des méchants, la Team Galaxy, Team Magma, Team Aqua, etc. Moi, ce qui m'a marqué finalement, c'est La team plasma. La team la team Plasma. péta. La Team Péta, ouais. Oui, c'est un peu ça, ouais. Parce que, bah, après, La team Brigitte Bardot. c'est un peu plus subtil. Au niveau du scénario, on va dire, c'est un peu plus subtil Oui. que les précédents, quoi. Bon. C'était un peu la génération laboratoire, hein, Il y quand avait même, y celle-là. avait une petite réflexion en fait sur quelque chose qu'on s'est tous une question sur laquelle on s'est tous posé. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait en fait? Est-ce que les Pokémon, je veux dire, est-ce qu'ils sont vraiment heureux avec nous ou est-ce qu'on Moi devrait j'ai pas la les laisser? réponse, ouais. Ouais, c'est C'est ça, ça. oui. Et puis après, comme d'habitude, hein, c'est parti sur une question, mais bon, au final, ça finit en baston de Ouais, légendaire on se géant tape qui tous s'envoie des dessus, ouais. lasers, C'est ouais. ça. C'est ça. Ça explose partout, voilà. Parce que merde, on n'est pas là pour faire de la Avec un philo, quoi. château qui sort du sol, Ah, voilà. mais... C'est exact. Pour moi, ça, c'est vraiment la génération laboratoire, hein, parce qu'ils ont fait 150, c'est dans Ouais. celle-là, hein, ils ont fait 150 nouveaux Pokémon, Ouais, il n'y avait Voilà. que ceux-là Alors, disponibles. ils ont fait une Dedans. région en huis clos total. Ouais. Il n'y avait pas d'anciens, que des nouveaux. C'est ça, dans Il y avait des nouveaux, mais après avoir fini, je sais plus Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Dans Noir Blanc, en fait, je veux dire, quelque chose qui personnellement m'a beaucoup plu et qui m'a fait direct penser à la première génération, c'est qu'on a 150 Pokémon, ils sont tous nouveaux et ils sont tous inédits. Et en fait, tant qu'on n'a pas fini le jeu et qu'on n'obtient pas le Pokédex national, on est bloqué à 150 Pokémon. Et parce qu'en fait, je pense que l'intention, c'était de renouer avec l'histoire, avec la grande aventure qui avait été le premier épisode pour la première génération pour beaucoup de monde. Ouais. Et de renouer avec ce côté complètement découverte en fait. Et D'ailleurs, ils ont fait un truc un peu bizarre, une espèce de reboot, mais au final, on s'est retrouvé avec que des reboots depuis celui-là. C'est un peu. Alors après pour Noir Blanc, pour Noir 2 et Blanc 2, là, on s'est pas retrouvé. mélanger. Voilà, c'est plus un panaché, un Ouais. peu D'ailleurs, étrange. qui est sorti pour moi beaucoup trop tôt après l'autre. Hein. Ça a Oui, vraiment pété l'effet. personnellement, ouais. Bah, C'est. c'était 2 ans après le Japon, donc. Ouais, pour le Japon, c'est vrai, mais pour Nous, nous, ça c'était juste faisait. un an, ouais, c'est pour Ouais. ça. Moi, j'ai pas trop de souvenirs de Noir 2, Blanc 2, justement, parce qu'ils étaient pas Je l'ai pas mauvais, vraiment, je mais. l'ai pas retourné moi non plus. Il y a Ce qui était quelques. bien, par contre, c'était le jeu post-league, là, qui était vraiment Ouais. pas mal. Et le Pokéwood, moi personnellement, j'ai beaucoup accroché au Pokéwood, je suis devenu une star du cinéma. Ah, mais Moi, j'ai pas oui! accroché du tout, Alors, ça m'a gavé. qu'est-ce que c'est Moi non plus. le. Ben, en fait, il y avait une dimension. Enfin, une dimension. Non, c'était un petit jeu, en fait, où le Pokéwood, en fait, où tu pouvais. Toi et tes Pokémon favoris, enfin, ou alors ceux qui étaient. Parce que dans un premier temps, tu choisissais. Tu pouvais pas choisir, ils étaient commis d'office, en fait. Où toi et tes Pokémon, ben, tu devenais une star du cinéma. En faisant les bons coups pour faire des belles Voilà. scènes et tout, En des faisant trucs comme des, ça. alors tu choisissais, ouais, en choisissant des répliques, des bons coups pour faire la bonne scène pour que le réalisateur soit content et que le film soit bon. Ah, je comprends C'est. Pokéwood, je comprenais pas Ouais, l'autre boîte. parce que Ah ouais, non, Voilà. c'est Pour Hollywood Hollywood, en fait, évidemment, ouais. Parce que C'est ce qu'il recherchait, tu vois. la région est basée sur New York. Ouais, c'est Et ça, c'était Enfin, sur où? les États-Unis. Alors, Et Hollywood est à New York, Oui, non, évidemment. mais je me comprends. Ah, ça, ouais, enfin, oui. Ah non, mais c'est pas toi, hein, c'est eux qui. C'est japonais, ça. Et puis techniquement, on peut parler aussi il y a eu des innovations graphiques, donc Sprite qui bouge. des sprites Oh qui là bougent là! et de la 3D. Ouais, Oh là la là! 3D. Des décors en 3D Du mode 7, enfin! La Avec 3D de DS, quoi. du mode 7, 20 ans après! Avec des mouvements de caméra et tout, quand tu passais sur le pont, Oui, tu voilà, prenais Cézanne. c'est génial. C'est vraiment très très joli à ce niveau-là, le passage. En plus, le pont est super long, quoi. C'est C'est ça, ça, ouais, ouais. c'est un peu le pixel un Golden petit Gate peu en quand même fait. à certains Ouais. moments. Hein. C'est vrai qu'il y C'est a de la bouillie partout. parce qu'on est dans le même monde, que Je ce me soit souviens de dans la forêt Noir blanche. et Blanc que dans Noir 2, Blanc 2, quoi. Oui, on partage Oui, la même région c'est et après, chronologiquement. Noir 2, Blanc 2 se situe, je crois, deux ans après, un 2 ans truc comme ça. après, ouais. Oui. Il S'en avec, passe des choses en 2 ans là-bas. oui. Ouais. Avec les Pokémon également, parce que Et puis finalement, on les a Pokémon. plusieurs rivaux ce coup-ci, et ça, c'est aussi un truc Ouais. qui J'ai bien m'a. aimé ça, moi. C'est Ah non, toujours le côté labo, hein. Ils ont moi essayé plein de nouveaux personnellement, trucs. j'ai trouvé ça. Je préférais quand on avait qu'un seul rival, en fait. Moi, c'était quelque chose Ouais. qui avait En même toujours un temps, coup les d'avance, ribos. en fait. Par exemple, ça, c'est pour Les moi ribos, ils sont Blue. ramollis, hein. Pour moi, Blue reste, je veux dire, reste le rival mythique. Quoi. Moi, mon rival préféré, c'est celui de la 4. Donc... Et, je sais même plus qui c'est. C'est un mec hyper actif. C'est un blond. Ouais. Ah, c'est un blond qui se cognait partout. Ah, mais marrant, celui, et celui de la version noire 2, blanc 2, est insupportable aussi. Mais t'as lunettes, là Matisse, là. Non, non, non. Ah, non. Ah, oui, ça, c'est... ça coupe à fond. Le mec qui ressemble au gars de... Comment ça s'appelle? De Ergir, là, je sais plus quoi. Le sosie du mec d'Ergir. Et pour moi, le pire en termes de rivaux, ça reste la dernière génération, enfin Pokémon XY. Ah, oh, c'est le bordel. Ah, c'est des gros boulets. C'est des gros boulets. Toi, t'as envie de plus vraiment avez... des rivaux. C'est. Ouais, c'est ça. Vrai, c'est... Le problème, c'est que. Soyons amis. Déjà avant, enfin, c'est vraiment les deux premières générations où t'as vraiment le côté rival au sens le mec avec qui tu te frites, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à partir de la troisième, c'est « Bonjour, faisons de notre mieux, hein ouais, ?» Et puis... Maison, l'accent marseillais. Alors que la carte ressemble un peu à la carte de l'occupation en... Ah, la Seconde Guerre mondiale, quoi. Non, mais c'est vrai, mais sans le sucre... Pokémon X et Y, ils ont fait fureur. Alors, je vous propose, par contre, pour Pokémon XY, on en reparlera à ce moment-là plus en longueur sur la prochaine émission, sur le test, parce qu'on teste, du coup on fera un nouveau format avec le test du jeu, parce qu'on on est quand même pas mal, pas mal parmi nous, ils ont déjà joué, ils ont joué assez suffisamment longtemps pour avoir un avis tranché sur le jeu. Alors on peut peut-être revenir par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure des cartes, donc on avait donc c'est Unis notamment pour noir blanc et noir 2 blanc 2 qui reprend la ville de New York, on voit pour XY, c'est la France. Ouais. Et il y avait aussi, c'est toujours le même principe pour les différentes, différents pays qui prennent, où l'aventure prend place pour les différents épisodes de Pokémon. Donc il y avait pour l'épisode Ruby Saphir, ça reprenait l'île de Kyushu. Donc l'île de Kyushu, c'est l'île qui est le plus au sud parmi les quatre grandes îles du Japon. C'est marrant de toujours mettre ça dans un contexte... dans un contexte réel, quand on prend géopolitique, commerçant, j'ai envie de dire. Par contre, j'ai l'impression, juste pour justement faire le parallèle avec XY, qu'il y a vraiment que c'est vraiment dans XY. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la France, mais où tu retrouves des éléments de la réalité, même si parfois, on va dire, romancé à la sauce japonaise. Plus cliché, ouais. Enfin, voilà. Ouais, c'est cliché. Les Japonais ont quand même plus de clichés. À Versailles. Ouais. C'est ça, les Japonais ont plus de clichés sur la France qu'ils en ont sur le Japon, c'est sûrement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et nous, on connaît pas trop les clichés du Japon, donc au final. Ouais, c'est ça, donc on s'en rend pas forcément compte. Genre à Kyushu, on sait pas comment ils sont, les gens. Ah ouais, ça se trouve, ils sont tous comme ça. Hein, ouais. Ils ont tous des bandeaux. Il joue la trompette. Avec un chapeau bizarre. Parce que pendant un moment, je me suis demandé si c'était des cheveux gris qu'il avait, le héros. On pourrait parler des heures du chara-design des différents Pokémon. Parce que putain, je sais pas ce qui leur est arrivé depuis le premier, mais. Bah, ils ont évolué. On l'avait vu pour la version Ruby Saphir qui avait une volonté de trancher par rapport à ce qui se faisait avant. Parce qu'on était vraiment dans un côté kawaii, mignon. C'est d'ailleurs ce que disait le designer, c'est Ken Sugimori, je crois, de mémoire. Ouais. Qu'est-ce qui fait justement qu'on s'attache à un Pokémon, c'est qu'on a, bah, y a le côté mignon, on a envie de l'avoir avec nous, de pouvoir s'en servir lors des combats. Et il y a peut-être eu cette distanciation qui s'est produite quand on a eu des gros Pokémon. Je trouve que les starters, notamment pour la troisième génération. Les starters sont vraiment pas très charismatiques en fait. Ouais. Mais si, Gobo il est trop mignon. Ah non, mais Gobo il ressemble à rien. Mais il a une belle bouille. Oui, mais il ressemble à rien. Bah, on s'en fout. Finalement, le meilleur starter ce serait peut-être le premier. Arco d'ailleurs, voilà, c'est un lézard. Il... Bah, c'est un gecko. Ouais, c'est vrai que niveau design, en fait, il y a toujours eu, à chaque génération, il y a eu quand même un certain. Un nombre d'errements en fait. Ouais, voilà. Pas forcément. Depuis la première. En fait, je pense pas que ce soit des errements. Je pense qu'ils ont maîtrisé. Archéomir par exemple. Ils ont maîtrisé ce qu'ils ont fait de bout en bout, mais ensuite, c'est la direction qui est peut-être un peu partie en live. Mais je veux dire, il y a quand même une cohérence dans chaque génération quand on regarde le design. Il y a toujours du bon et du moins bon dans chaque génération. C'est ça, mais après, c'est au goût de chacun, quoi. Mais y a... ouais, on peut pas leur nier qu'il y a une cohérence là-dedans, quoi. Ouais, oui. On arrive en plus à 700 Pokémon. Et puis, surprenamment, les derniers sont pas les pires. Hein. Non, bah non, dans la première, il y a vraiment des trucs horribles, je trouve. Surtout si on regarde les sprites de Pokémon vert. Oui, c'est vrai, oui. Ils sont vraiment vilains pour le coup. Après, faut voir aussi que l'équipe a quand même énormément évolué parce C'est que ça. pour les premiers Pokémon, ils étaient, je crois, je sais même pas si c'était 4 ou 5. Ah, si peu. Ils étaient vraiment très peu, puisque même le. Alors, peut-être on va dire une dizaine pour le coup, mais même le compositeur Junichi Masuda, qui a pris la direction après, a fait de la programmation sur Rouge et D'accord, ah Bleu. ouais. Donc, pour te dire que voilà, il y avait un. C'est vraiment la zone. Chacun, voilà, c'était une petite boîte, donc chacun mettait la main à la pâte sur dès qu'il y avait besoin d'aide sur les différentes parties du jeu, quoi. Donc, et même le chara designer, Sugi Mori, donc était tout seul pour le premier jeu. Et faut savoir qu'ils sont, je crois que c'était pour Noir et Blanc, ils étaient une trentaine de designers. Lui avait toujours, lui était le responsable de designer du jeu, mais lui avait le dernier mot, en tout cas le trait final sur les Pokémon qui lui étaient proposés, quoi. Donc il y a quand même une équipe beaucoup plus importante. Et je crois que Ouais. ça devait avoisiner les 200 personnes sur X et Y. Comme quoi, voilà, ils ont mis les moyens, ils ont mis le nombre qu'il faut alors peut-être pas avoir quelque chose de cohérent, mais peut-être avoir quelque chose d'un peu plus maîtrisé que ce qu'on a pu avoir avant graphiquement. Même si les arbis, Ah ils ouais, servent non, à c'est la rien, quoi. classe, les zombies. Il y a toujours des choses assez mystiques, hein. On les revoit plus après, je crois. Il n'y a pas de. Non. Si, ils réapparaissent Ah oui. pour un event avec Arceus. Un Ah moment. ouais. T'as des arbis qui volent partout et t'as Arceus qui apparaît, voilà. Mais C'est c'est tout. ils s'occupent du décor, quoi. Ouais, c'est un peu ça en plus. C'est un peu à ça qu'il sert, hein, depuis le début, hein. Elles sont sur les murs, quoi, voilà. Oui, c'est ça. Eh ouais. Non, Ouais, c'est c'est bon. bon, Parfait. on dirait bien, hein. Qu'est-ce qui, pour vous, alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans les jeux Pokémon? Notamment, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui un jeu Pokémon serait parfait par rapport à des éléments qui ont pu disparaître ou qui sont apparus dernièrement? Et qu'est-ce qu'il y a, par exemple, pas forcément sur X et Y, parce qu'on y reviendra plus tard, mais sur Noir et Blanc qui peuvent être jetés à la poubelle, hein. Ah, sur Noir et Blanc 2, il y a beaucoup de choses qui peuvent être jetées à la poubelle, je pense. Le jeu fait vraiment. Enfin, en fait, c'est assez marrant parce que autant je trouve que Noir et Blanc sont intéressants jusqu'à la Ligue, autant Noir et Blanc 2, c'est l'inverse. C'est à partir de la Ligue que ça commence à devenir un peu intéressant. Parce qu'on avait un truc dans Noir et Blanc 2 qui est assez marrant, c'est que ils ont encore développé le côté zone de combat, mais à un point encore plus poussé, en permettant d'interagir plus précisément avec les EV qui, sans rentrer dans les détails, sont des valeurs cachées du système qui permettent d'optimiser les statistiques des Pokémon. Et en fait, on s'est retrouvé avec des tournois contre, et ça c'était génial, contre les anciens champions d'arène. C'était génial ça. C'était vraiment génial, mais eux ils étaient forts, et eux ils étaient optimisés. Et donc si on voulait les battre, et ben au bout d'un moment, il fallait un peu commencer à rentrer malgré nous dans le C'est metagame, à apprendre à bien jouer, sinon le Staros Dondi nous défonçait quoi. ça. Et donc ouais, c'est vraiment ça, c'est le côté que j'ai bien aimé sur Noir et Blanc 2, mais par contre tout ce qu'il y a avant, j'ai trouvé ça vraiment, je m'en souviens plus du tout. Autant j'aime bien l'univers, autant l'histoire et tout de Noir et Blanc 2, mais alors pouf! Noir et Blanc 2, l'histoire est à chier. Bah Ah ça ça. continuait, C'était vraiment c'était la un peu suite. l'héritage C'était un peu la de la suite Team pas Plasma, quoi. nécessaire. Hein, ouais. Ouais, c'est vrai. Bianca qui est toujours aussi insupportable. Franchement, à ce compte-là, ils auraient peut-être même dû faire un gris, hein, avec la zone. Ouais, non, moi, Ouais. ouais, c'est vrai que je comprends pas vraiment moi, pourquoi ils ont fait. Mais cette génération, c'est vraiment le labo, ils ont essayé tellement de trucs. Alors que moi, personnellement, Noir Blanc, j'ai Ils ont beaucoup vraiment fait, accroché, ouais. mais les suites, moins. Non, moi, je me retrouvais à faire les combats, les zones de combat de Noir et Blanc 2 avec mon équipe de Noir et Blanc 1, en fait. Parce que mon équipe de Noir et Blanc 2, elle voulait rien dire. Hein. C'était vraiment. Je crois que j'avais même pas fait évoluer mon starter, je l'avais mis à la boîte parce que j'en avais marre. Mais il y a pas mal de choix quand même niveau Pokémon dans Ouais, Noir c'est Blanc vrai. 2. Oui, parce que c'est vrai qu'ils ouvrent le jeu, Ouais. il est plus seulement limité à la Ouais. génération Mais il y avait un 5, bon 6, je sais choix. plus, 5, ouais. Ouais, il y avait un bon choix de Pokémon, je trouve. C'est vrai. Sur ce point-là, ouais, c'est vrai que c'était bien fichu. Mais l'histoire, est-ce qu'on parle du scénario, est-ce que c'est pas secondaire Si, Ouais. totalement. C'est toujours Totalement. secondaire en Souvent, fait. tu torches l'aventure et c'est après que ça commence vraiment, quoi. C'est ce qu'ils ont un petit peu. À mon avis, c'est les leçons qu'ils en ont tirées de Noir et Blanc par rapport quand on voit X et Y. Parce que Noir et Blanc, ils ont vraiment essayé de faire autre chose, de faire un reboot, de lancer les choses Ouais, différemment. mais après on se faisait chier, quoi. Et puis voilà, au final, ils sont revenus sur une formule vraiment plus basique. Parce que c'est ce qui marche, hein, c'est ce qui plaît. Hein, mais on peut dire ce qu'on veut, les innovations et tout, mais l'air de rien, il y en a eu énormément. Hein. C'est pas forcément visible de l'extérieur, mais en jeu, ça se ressent vraiment. Depuis les premiers, il y a eu énormément d'innovations, et ce, sans avoir une histoire bien plus développée, quoi. Ouais, c'est un équilibrage qui s'est fait au fur et à Oui, c'est ça. mesure. Il y a des choses qui ne changeront jamais, par exemple, où genre, t'as toujours ton équipe de 6 Pokémon, tu démarres toujours dans le village de Trou du cul paumé, C'est puis ça. t'as toujours 8 badges. Enfin, je veux dire, c'est. Après, ce qui commence à être sympa, c'est qu'ils commencent à jouer justement avec la tradition pour sortir des trucs un peu plus. Ça, parfois c'est marrant, mais bon, ça reste anecdotique. Mais sinon, voilà, t'as vraiment des bases Qui sont fixes, ouais. qui n'ont jamais changé et qui ne changeront, je pense, C'est jamais, ça, parce qu'elles n'ont personnellement. pas à changer, parce que ça marcherait pas si ça changeait. C'est vraiment Et une formule qui est plutôt équilibrée. les innovations ou tout ce qui est un peu concept conceptuel, c'est une nouvelle expression, Bah, comme les combats, ouais. c'est réservé pour les spin-offs quoi, genre C'est ça. une nouvelle méthode pour jouer, Pokémon Dash. voilà, Pokémon Dash, j'y ai Donjon joué. Mystère, tout ça. Putain, moi aussi, merde. Moi, J'ai par contre, honte. tout ce qui est spin-off, je veux dire, à part Stadium et Snap à l'époque. Pinball, ouais. Mais les spin-offs, c'est pas Game Freak qui les fait, donc. Ouais. C'est Il y a des vraiment c'est les trucs. produits dérivés au même titre que le dessin animé, Ouais, c'est donc. C'est exactement ça, ça. ouais. Au niveau spin-off, ils sont Et tous Pinball, ratés, quoi. enfin, niveau console de Non, salon, ils Pinball, sont. il est fou. Non, il y en a qui sont bien, Pinball, ouais. Snap Et Donjon aussi. Mystère aussi, Pokémon c'était bien. Snap. Ouais, Snap. On attend le remake sur Si, Wii il y a U, hein. Ah Ah ouais, ouais, Pokémon mais alors ça, le remake de Pokémon Snap Mon sur Wii Dieu. U, il serait vraiment con de pas le faire. Oh là là, c'est vrai qu'il s'est fait pour, hein. Il y avait Un aussi Pokémon Snap 2 ce jeu. en WiiWare. Ce jeu, comment il s'appelait avec. Il y avait Pikachu, Ah, c'était le quoi? Eyu Pikachu. Pikachu. Oh là Eyu là, mon Pikachu, Dieu. ouais, Et c'est. Qui... Pokémon Channel, mais cette horreur. Eyu Pikachu, oui, c'était un. Pour ceux qui connaissent pas, oui, c'est un jeu qui est sorti uniquement au Japon, bien avant que la vague Pokémon n'arrive chez nous. Qui était sorti sur Nintendo 64. Et T'avais Pikachu sur une souche et tu Ouais. lui parlais. T'avais C'est ça. un accessoire qui était un micro où Un tu pouvais micro, lui. ouais. C'était un genre de Tamagotchi, en Et quand tu lui fait. disais PlayStation, il s'énervait. Sérieux? Ah Ouais. putain. Il pétait des câbles. Ah, c'est génial ça. Et Ça, c'est aussi génial. C'était marrant. le duo qui a formé Pikachu avec Nobunaga, si je dis pas de bêtises, sur DS Conquest? là. Ah oui, c'était Oui, trop bien ça. Pokémon Conquest qui Conquest, est jamais sorti en France. Si, Je l'ai pas si. fait. Il est sorti en France. Hein. Il est sorti. Non, Il il en est, a... so... il non, est il est sorti sorti en en Europe, Europe. Ah mais pas en oui, en France. Europe, ouais, mais pas en Il est en France. Belgique, par exemple, et Oui. pas en France. Oh la Exactement. France, hein. Oh mon Dieu. Eh bien, franchement, en parlant de spin-off, vite fait, Pokémon Channel. Si personne n'a vu ce jeu, mais il est surréaliste, quoi. C'est un jeu où C'est on pour les regarde la enfants. télé avec Pikachu. Donc on passe son temps à Oui, mais regarder du attention. télé-shopping, à regarder Attention. Questions pour un champion et Oui, à mais. regarder des dessins animés. Dans le jeu, tu pouvais obtenir Jirachi. Et voilà, C'est mais pour c'est ça. ça. Et plein de monde l'a eu pour avoir Juste pour ça. Jirachi. C'est exactement ça. Et le jeu, il était abrutissant au possible. C'est Ouais, impressionnant. et t'avais aussi un. Alors, il me semble que c'est sur GameCube, mais c'était sorti qu'au Japon. Ils avaient sorti un jeu juste pour stocker tes Pokémon. Oui, mais pas Ouais, qu'au Japon. Box. C'était un truc Ils l'ont sorti en promotionnel. Je France l'ai, aussi. ouais, je l'ai celui-là, ouais. Pokémon Box. Il était en. Alors, bizarrement, il était en pack avec Mario Kart Double Dash, je crois. Un truc comme ça. Enfin, sais c'était pas. Ouais, parce bizarre. que fallait foutre du Pokémon. Ouais, je sais plus, c'était bizarre. Ça Il l'avait vendait. mis en pack. Ou sinon, il était sur le site Nintendo avec leurs points, machin et tout, là. Ah Mais oui, ouais, mais je c'est. l'ai. Et puis, tu pouvais jouer à Ruby et Saphir sur ta console aussi, Ouais. sur Ah ta oui, télé. avec le Game Boy. D'ailleurs, Game Boy. je crois même qu'au Même pas Japon. avec le Game Boy Player, juste avec un câble. Ah Je ouais, crois même d'accord. qu'au Japon, il y a eu une version Ruby Saphir GameCube. Enfin, il faudrait que Ah ouais? Oui, où tu pouvais. Enfin, ça, Bizarre. c'est vraiment à vérifier, mais tu peux jouer aux versions GBA, il me semble, sur Bah, GameCube. dans Pokémon Box, tu pouvais faire ça. Hein. Bah, la Peut-être. cartouche d'origine, mais suffisait juste d'avoir le Faudrait câble que je sache, parce que Link. lors de mes visites sur des sites imports, j'ai l'impression d'être tombé sur ce genre de curiosité, mais C'est c'est la à version vérifier. chinoise en fait. Ah, Ouais. peut-être. Au niveau des spin-offs, il y avait Pokémon Puzzle League aussi C'est qui trop était bien. excellent. Ah, Ah c'est oui, Pokémon génial ça Puzzle par League, ouais. contre. Trop trop bien. Tetris Attack et compagnie, c'est génial. Ouais. Ouais. Sur N64. Ouais. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont mis la licence Pokémon Par dessus, mais c'était vraiment bien. contre, les Tu peux Pokémon mettre ça Pokémon vend partout. plus. Bah d'ailleurs, il me semble que Pokémon Puzzle League, à la base, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec Pokémon. C'est C'était Tetris un Attack, puzzle ouais. Ça league. Ouais, s'appelle Panel Tetris des Attack, ouais. Pônes. Ça s'appelle C'est Panel ça. des Pônes, et le Ouais. premier sur Super NES, c'était avec Yoshi. Ouais, D'accord. j'en sais. Ouais. Il était super bien aussi. Hein. Moins bien que le Puzzle League 64, mais. Tout est mieux avec Pokémon, hein, je suis C'est désolé. ça. C'est vrai. C'est exactement ça. Tu peux tout vendre avec Pokémon. Ben, oui, des Tu peux tout. Boeing, des voitures, des. Des parieurs de lit, des. Ah, les parents me disent, ouais. Il y avait la série assez récente aussi des Pokémon Spark, Pokémon Rumble, Oh là Ah là, oui, oui. les machins. qui est plutôt sympa, Ouais, Ah ouais, c'est. Ouais, t'appuies je sais sur pas. A, Pas quoi. cher, quoi, Voilà. mais. Faut aimer Ouais, appuyer sur A. c'est un beat'em all Bête et méchant. Moi, j'avais testé sur WiiWare et c'était ouais, c'est plutôt marrant. En tout cas, les derniers épisodes ont pas eu des super critiques. Enfin, non, mais parce qu'ils sont vendus à prix fort. Mmh. Et ouais, en spin-off, il y a aussi eu le jeu de cartes Pokémon sur Game Boy. Hein. Ouais, ne l'oubliez pas. Ça, ouais. C'était trop bien. C'était trop cool, bien. Ouais. Mais le jeu de cartes Pokémon est vraiment cool. Oui, enfin, c'est simple. Et... Ah, c'est Wizard of the Coast, t'as l'air de rien. Hein. Bah oui, bah, d'ailleurs, ça a détrôné Magic. C'est les mecs de Magic. Hein, ouais. Ouais, c'est, ouais. C'est carrément, je veux dire, ça s'est développé, je veux dire, de son côté, il y a toujours eu le jeu de cartes qui s'est développé de son côté, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a eu avec les ex, il y a eu beaucoup d'évolutions. C'était un bordel digne de Magic, franchement, un bordel digne de Magic. Je me suis pas du tout intéressé personnellement, mais c'était vraiment t'avais l'univers des cartes à côté, quoi. Ouais. Surtout et que ça les continue encore, hein. Les artworks sont super beaux sur les cartes. Ah oui, c'est pour ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'artistes, c'était très marrant. Ouais, ouais. C'est un peu la Magic en fait, vraiment. D'ailleurs, les cartes ouais, Pokémon, je suis allé sur le site de l'Uliana il y a pas très longtemps pour avoir un peu des archives sur la mode Pokémon, et apparemment ça marchait très très bien, voire même trop bien. Ah, oui, il y avait oui, du racket, des bastons. Ah, ouais, moi je me souviens d'une histoire de mafieux pour un Dracaufeu. Ouais. Je m'étais retrouvé dans la carte Dracaufeu, j'avais apparemment rien compris. Était super rare. Il y avait eu des vols, du trafic et tout, et je me suis retrouvé avec, j'avais rien compris à ma vie. J'étais dans la tour. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de. Enfin, Pokémon a été beaucoup diabolisé aussi à une époque avec toutes ces dérives. Surtout aux États-Unis. Sur les jeux de cartes. Ah, aux États-Unis, contre... il y a eu des morts à cause de ça, quoi. Un point important que je dédicace à un certain Mathieu D, qui se reconnaîtra. Jean-Paul II disait que Pokémon c'était très bien pour l'imagination des enfants. Donc Jean-Paul II était pour les Pokémon. D'accord. Quel homme, ce Jean-Paul II. RIP. Ou pas. je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission. La partie un peu what the fuck, on pourrait dire même. Ouais, je crois que tu nous as préparé des trucs très, très bizarres. Nous, vous avons préparé des choses très bizarres. Je suis pas sûr. Je tremble. Avec Tonkin, c'est-à-dire, alors on va vous faire un petit portrait chinois. Oh là là. À la sauce Pokémon. Un petit... Mon dieu. C'est parti. Alors, on va commencer. Alors, les uns après les autres, hein, je vous laisse. On va commencer. Alors, si vous étiez un Pokémon. Ramolos, ça marche. Vous avez le choix entre 718 Pokémon. Donc, le type ou carrément. Oh, le type. Non, on verra le type après. Le Pokémon d'abord. Oh là là là là. Ronflex. Ouais, Ronflex aussi. tous des gros paresseux, en fait. Moi, j'aurais dit Ramolos. Psychocoque. Même pas un peu classe. Ursaring. Moi je suis Ursaring. Ah, la classe. Moi je suis tout seul sur ce coup là, mais je trouve super classe Mimito, c'est un Solourdeau donc. Un Solourdeau, mais t'es malade. J'adore Solourdeau. Il ressemble à rien ce Pokémon, il évolue même pas, c'est une grosse merde. Oh, l'agression. Fais le malin, tu verras quand il y aura un méga un Solourdeau, tu feras moins le malin. C'est clair, ça devient violent là. Et toi Tuntun, c'est. À moi Ronflex. Je suis gros et je dors beaucoup, donc si vous étiez justement un type normal. Ouais, normal, ouais. Le feu. Psy. Acier, ouais. Oh là, acier. Ah, si vous étiez une attaque. Oh là, repos. toujours la thématique. Abri. Même pas un triple attaque ou un. Oh là là, j'avoue, il y a des attaques prétentieux. Il y a des attaques de dingue quand même. Parce qu'il y en a certaines, il y a moyen de faire des trucs assez ouf. Hervénard, voilà, moi je serais Hervénard. Comment c'était le laser là qui se chargeait Ultra laser. Quoi. Ouais, t'as que. Qu'est-ce qu'il y a des classes. Voilà, Hervénard ou Baston. Baston. Alors si vous étiez une région de Pokémon. Oula. Une région ou une ville. Une région. Ou une ville, ouais. Ouais, une ville, si vous voulez. Ah oh, merde. Si ça vous parle plus, qu'est-ce qui vous parle le plus Carmin-sur-Mer. Une ville, oh là. Ah, Carmin-sur-Mer, il y a un bateau, il y a la plage. Ouais, Carmin-sur-Mer aussi, ouais, je suis d'accord. C'est Pokémon rouge et bleu. Ouais. Ouais, première génération. C'est la ville du Major Bob où il y a Gail. Ah ouais, non, ouais, Major Bob, même, je trouve que dans le Major Bob, déjà dans l'animé, il était super cool, je trouvais. C'était le seul mec qui mettait des tartes. Hein. C'est ça, ouais. Après, en plus, voilà, il t'envoyait tes Pokémon à l'hôpital, quoi. Ah ouais, mais. C'est le mec qui revient du Vietnam, il est traumatisé. Hein. C'est ça, quoi. C'est un gros ouf malade, quoi. D'ailleurs, encore une fois, c'est dans les petits petits détails qui font que les mesqui ont fait Pokémon ne mesuraient pas la portée de ce qu'ils faisaient, c'est que Major Bob, quand on lui parle dans les premiers, il dit qu'il a fait la guerre et ouais, tout. Ouais. Et le mec, il est quand même relativement jeune, hein, donc ça veut dire que dans Pokémon, il y a eu une guerre avant que ça commence. Qui a rendu des gens assez cinglés pour devenir champion d'arène. Dans les premières générations, il me semble qu'il y a pas mal, qu'il y a quelques références au monde réel en fait. Oui. Bah oui, il parle de l'Afrique, des voilà, éléphants d'Afrique et tout. Ça. Et ça, c'est un peu, ça c'est très confus en fait. Mais en fait, je pense qu'à la base, c'était prévu comme étant un Japon fictif dans un monde ancré dans un monde réel ou un truc comme ça, je pense. C'était prévu comme quelque chose comme ça. Un Japon alternatif. Un peu comme Earthbound qui a repris New York et les États-Unis. Tout en créant un monde autour. On revient toujours à Earthbound. Mais c'est dingue. Hein. Mais franchement, les parallèles entre le Mother 1, le premier Pokémon, sont assez hallucinants. La casquette rouge, ouais. Mais le look du héros, le look de Mewtwo, les thématiques abordées, le type d'univers, les centres commerciaux où on se fait ses courses, les trucs comme ça, c'est tout la même chose que dans Earthbound. Et même les punks qui t'attaquent sans raison. Et là, Tuntun devrait dire, mais il est disponible sur Wii U, les gars. Allez. C'est vrai, mais tu sais que je vais pas dépenser 300 balles juste pour Mother. Ah ouais. Oui, mais bon, il y a d'autres raisons de l'acheter. Si tu veux, je peux t'en donner. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Bah, Wind Waker HD. Il y a Mario qui arrive là bientôt. j'avoue, je commence à être un petit peu tenté. Ouais. Enfin, bref, moi, Karma sur mer. Bourg-Palette. Doublonville, parce qu'il y a des trains. Et c'est bien les trains. Et la tour radio aussi. C'est vrai. Enfin, c'est pas mal. Hein. Ouais. Alors, si vous étiez un méchant, de quel team feriez-vous partie ? Team Galaxy. Ah, Team Rocket, moi. Oh. Team Rocket. Elle est au quart de base. Les cultes, quoi. Ouais, c'est clair. Ou alors sinon, la team Flair. Ouais, Team Flair, parce qu'ils vont à classe, tu vois. Non, faut avoir les cheveux orange et tout, c'est pas la peine. Je suis pas d'accord. Ouais, Team Flair, ouais. Ah, le Team Flair aussi, ouais. Team Rocket, moi, avec Gamu. Donc le Team Rocket, le classique, hein. On va s'envoler vers la Team Swag. C'est ça. Afin de protéger le monde de la dévastation. Oh là là. Pas une Team Magma ou une Team Aqua ? Non. Ah non, ils avaient des capuchons marrants. Hein, ouais, il y avait des pirates, c'est bien ça. C'était rigolo les looks. Hein, mais... si vous étiez un légendaire. Hein... Oula. Oh. Alors Victor. Moi c'est Lugia. Parce qu'on m'a toujours dit. Parce que moi, mon pseudonyme. Lugia. Bah, parce que mon pseudonyme, comme c'est Lugar, enfin P.K. Lugar en entier, on m'a souvent fait la blague P.K. Lugia sur les différents. Lol. Ah ouais, du coup, voilà, je suis attribué. Humour de Pokémon, quoi. Ah, c'est ça un peu, c'est pas moi qui ai choisi, hein. Moi, j'ai rien fait pour. Hein. Moi, je sais pas, c'est une question assez moi, dure. Moi, un peu pareil, Lugia, ça a toujours été un des petits favoris, moi, de... Ouais, j'aime bien Victini, moi, il est mignon. Il fait lever la victoire. Victini, apparemment, ils ont essayé d'en faire le nouveau Pikachu, mais ça n'a pas du tout marché. Mais il est mignon, pourtant, il est mignon. C'est le Churchill des Pokémon. Question suivante, si vous étiez un Zarbi. Oh là là. Oh là là. Bah, K comme Corita. Voilà. Les Zarbi représentent l'alphabet, c'est ça. Alors, moi, je serais le F parce qu'on dirait un petit canard qui tend la main. Franchement, le canard, ça me fait penser au canard avec son poireau. Ah, canard Tichot. Canard Tichot, il est trop fort, canard. Canard Tichot, ça s'appelle canard Tichot alors qu'il tient un poireau. Quoi. Dans Pokémon Rouge et Bleu, on l'avait par échange. Et du seulement, coup, il ouais, seulement en échangeant contre un Piaf à bec, un Pokémon super, super commun. Tu te demandes pourquoi il est pas allé le capturer. Quoi. Ah ouais. Ouais, ouais, Zarbi F, c'est le meilleur. Bicyclette ou roller hein. Bicyclette. Un roller, bicyclette. On fait des figures. Bicyclette, quoi. Non, bicyclette. Roller, c'est un joueur. Oh là là, mais moi, depuis que j'ai eu tous les tricks dans X et Y, je suis vraiment des rollers. On fait des backflips et tout, on descend les rampes. C'est la folie, hein. Ah, c'est vrai que c'est cool, mais bon, c'est chiant dans les. D'ailleurs, alors, c'est chiant que ce soit par défaut. S'arrêter, ou alors le vélo cross de Ruby Sapphire, oui. On faisait des petits bonds tout le temps. Ouais, voilà, ouais, vélo cross. C'était moitié vélo, moitié pogo stick. C'était trop bien. C'est clair. Nidorino ou Nidorina ? Nidorino. Parce que Nidoking. Aussi, hein. Ouais, à cause de Nidoking et des speedruns, moi. C'est... Ouais. C'est speedrun avec Nidoking, c'est sacré. Hein. Alors, petite question à choix multiples. Quand vous faites un échange de Pokémon, donc soit réponse A, vous mettez un Pokémon faible. Oui. B, vous êtes un bon samaritain et vous donnez un Pokémon avec de l'expérience. Ou C, Chenipan. C. Ah. Ah. Bah, c'est pareil, hein. Moi, je serais plus tenté de faire B, mais je fais pas d'échange, donc. Ouais, c'est vrai que vu comme ça. Non, moi aussi, en fait, j'essaye de varier, de refiler des bébés en trop, des machins comme ça. Non, ouais, pareil, généralement, je veux dire. Ceux sur X et Y, c'est vrai que je venais. Généralement, c'était à peine sorti de l'œuvre, je les échangeais, quoi. Alors, on va continuer avec les questions à choix multiples. Alors, vous regardez l'animé Pokémon A? Oui. Oui, B, non. C, je suis épileptique, ou D, chenipant. D, encore. Chenipant, ouais. Je suis épileptique. L'histoire de chenipant était triste, hein, d'ailleurs. C'est pas faux. Ça fendait le cœur. On s'en fout, c'est chenipant. Non, mais il y a pas d'illusion. Il est trop mignon, chenipant. Il est tout kawaii. Chenipant est mignon, ouais. Il est plus mignon que Aspico. Oui, sur le fameux épisode épileptique qui rendait pour épileptique, qui est jamais sorti chez nous d'ailleurs. Oui, on peut le trouver par contre sur YouTube. Hein, pour voir, c'est de la balle, hein, franchement, regardez-le. Hein. En gros, c'est un combat entre Pikachu et Electrode. Porygon. Porygon, ouais. Et Porygon, ça fait bleu, rouge, très vite, très fort. Moi, je suis pas sûr de ma sensibilité, donc je l'ai pas regardé. Moi, je suis tombé dessus au pif sur un. Donc, j'ai pas trop eu le choix, mais ça vaut le détour. Hein. Il me semble qu'il y avait une parodie de ça dans les Simpsons au Japon. Ils allaient au Japon, ils tombaient sur cet épisode et ils sont tous par terre en bas. Ils ont fait une crise d'épilepsie dans la chambre d'hôtel. je me rappelle que ça avait fait le tour de. Enfin, je veux dire, on avait beaucoup parlé ici, alors que l'épisode finalement n'a jamais été rediffusé et n'est jamais sorti du Japon. Non, mais c'est comme tous les trucs négatifs sur Pokémon. Tout le monde en a tellement parlé que. J'imagine que vous êtes allé sur ce blog, le blog catholique, Pokémon c'est une invention du diable. ce blog est incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec cette personne. Moi j'ai trouvé ça super beau. Ouais, j'avoue, c'est beau. D'ailleurs, j'espère que Jésus sera dans le prochain Pokémon. Ah putain, ce serait mortel. C'est un Pokémon Jésus. Jésus de chou. Il marcherait sur l'eau et tout. Ah ouais, Jésus avec surf, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais avec un petit sprite spécial. Ce serait de la balle. Si vous étiez un professeur, alors là je pensais pas, j'étais étonné de voir. Moi j'étais resté à professeur Chen, mais donc on va aller de A à J. Donc il y a professeur Chen, professeur Flora, professeur Platane, professeur Pressant, professeur. Moi je suis Platane. Orme. Un Platane aussi. Platane aussi, ouais. Il est trop stylé. C'est comme la team Flair, c'est le même genre. Il est complètement à la masse, mais il est stylé. Ouais, il est stylé. Platane, c'est dans quel XY. XY. Celui que t'as pas encore commencé. Professeur Seco avec son short aussi, il est stylé. Ouais, c'est présent, un peu un loser aussi. Il est présent avec son tocard paumé. De toute façon, les profs, ils savent rien en fait. Ils te filent leur Pokédex. Va le remplir. Tiens, je te file un Pokédex. Tu te demandes comment ils sont devenus professeurs alors qu'ils savent rien. Ce que j'aimais bien avec le professeur Seco, c'est que ça nous montrait un peu ce qui se passait quand les scouts devenaient adultes. C'est un peu ça. Les scouts. Les fameux scouts. Les fameux scouts qui n'ont aucune ambition dans la vie. Ils restent scouts et ils t'attendent. Et les gamins qui aiment les shorts. Ils se battent, ils se battent toujours avec leur Pokémon insecte de merde, ils ont qu'une ambition et ils t'attendent. C'est ça. C'est beau. Triste. Un monde merveilleux. Si vous étiez un accessoire Pokémon, alors là j'ai plusieurs choix. J'ai Pokéwalker, lecteur et e-reader, le Pikachu Tamagotchi. Le Godmichette au Picker. Le Pokéwalker parce que je marche beaucoup. La 3DS Pikachu. 3DS Pikachu. Ou la 3DS Dracaufeu. Pokéwalker aussi classe. Parce que je marche beaucoup. Ouais, la 3DS Pikachu je l'ai donc ouais. Évidemment c'est un truc qui me tient à cœur mais sinon aussi, hein, qui pas ou lecteur et reader juste pour la classe. Mais non le Pokéwalker parce que ouais je suis un gros marcheur. Pareil. Le Pokédex tout premier. Oh là là oui. Qui était sorti génial. Peu après rouge. Ça et les Tamagotchi Digimon c'était de la balle. Hein. Ah, attends voilà tu. Ah, la transition de ouf, hein. Elle était sur un plateau. Viens après celle-là, viens après. une spéciale KO, Rondoudou ou Kirby? Ah. Alors moi, Rondoudou dans Smash Bros, parce qu'il a la roulade. Et c'est pété. C'est vrai. Rondoudou, il a un bandeau de Rambo aussi, et ça, c'est la classe. Parce que le petit Rambo qui fonce à travers le stage, ça m'a toujours vendu du rêve. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais ils apparaissent tous les deux dans Smash Bros. Eh ouais, c'est le combat de trucs roses. Bah, dans Smash Bros, moi, je dirais Kirby, mais... En vrai, Rondoudou, parce que Rondoudou, sa mèche elle est trop forte. Ouais, trop exactement. Il est trop mignon. Puis la berceuse, quoi. Puis ça, sa berceuse est. Non, oh là là, mon dieu. Parlez pas de l'animé. S'il vous plaît. On avait dit qu'on parlait pas de l'animé. Il n'y a pas une pré-évolution aussi Si, horrible. Tidoudou. Tout doudou. Oui. Tidoudou. Très moche. Ah, par contre, gros doudou, il est tellement kawaii. Ouais. Ouais, c'est clair. Il touche. Donnez des coups de poing dedans quand même. Ah, c'est vrai. C'est l'air tout moelleux. C'est ça. La cruauté. C'est un des plus mignons avec, je trouve, avec Pikachu et largement plus. Mélofée aussi. Mélofée moins. Togepi aussi. Marill, il est mignon. Marill. Ah, Azumarill est très. Azumarill. C'est un peu gros doudou type O. Hein. Ouais, ouais. Togepi dans son mignon, Monsieur Mime. Dans sa coquille d'œuf. Monsieur Mime. Plus mignon, c'est ma cognière, je suis désolé. Pokémon ou Animal Crossing? Pokémon. Pokémon. Ça dépend sur combien de temps. Sur un mois. Sur toute une vie. Ouais, sur toute une vie, ça va être Pokémon, parce qu'Animal Crossing, je tiendrai jamais. On attend le Pokémon. Pokémon Crossing, hein. Ouais. Non, mais Animal Crossing me fait quand même maintenant, me fait beaucoup plus rire. Et j'ai jamais fait... touché cette série, mais. M'absorbe beaucoup plus que Pokémon hein, maintenant. Je crois que j'ai un peu passé un cap, mais. C'est rien très, que très drôle. Pour les dimensions, pour les descriptions. J'ai, et j'ai tout, failli craquer sur la version 3DS, mais je suis jamais rentré dedans. Moi, j'ai à peine joué à 3DS. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Faudrait que j'y reprenne, voir où en est la ville, mais. Ah bah, tu vas voir, il va te dire attends, ça fait 3 mois que tu nous parles plus. Allez vous faire foutre. T'es parti. Là, d'ailleurs, il y a un strip que j'ai trouvé personnellement très drôle. C'est genre, t'as. Genre, depuis que t'as Pokémon XY, je veux dire. Ton village d'Animal Crossing est tout dégueulasse, tout pourri et tout. Délicé, ils t'attendent et tout. C'est et vraiment ça en plus. Et là, t'as 130 mauvaises herbes à arracher. Et là, t'as je sais pas quoi, je sais pas qui, parce que je connais pas vraiment la série. Tu crois que le maire reviendra un jour et tout? Je sais pas. et là, à côté, tu vois le maire qui est sur un Yveltal en train de triper. Le pire, c'est que c'est retort, parce que tu vois que ton truc Animal Crossing il est pourri, t'as qu'une envie, c'est retourner jouer à Pokémon. C'est ça en plus. C'est clair. Au final, c'est Pokémon qui gagne tout le temps. C'est ça qui fait du fusionne les deux quoi. Juste une fonction qui est quand même trop classe sur Animal Crossing, c'est la capture d'écran. C'est vrai. Qui devrait être. On peut s'en servir pour faire des images de profil pour Pokémon d'ailleurs. Oui voilà, c'est mais vrai. C'est pour c'est, je trouve ça tout con parce que finalement t'as très peu de jeux où t'as. C'est vrai, tu pourrais servir de la carte SD de la 3DS par exemple et faire des captures d'écran quoi. Des selfies. Des selfies en mode swag. D'ailleurs, le selfie, le meilleur apport de Wind Waker HD. Oh le lourd. Il va falloir faire un podcast selfie, hein, je pense. Oh non, surtout pas, non. Je pense qu'il va assimiler ça à la Wii U et c'est. Et c'est pas la même chose. Tu peux aussi en faire dans GTA V si tu veux. Ah, oui, c'est vrai. Les selfies, très voir soulève des trucs. Hein. Le meilleur Tumblr du monde. Dernière question, parce que je vais pas vous embêter plus longtemps avec ce questionnaire de la mort. Pokémon ou Digimon? Et voilà, la plus dure. Ouais. Et ben moi, j'ai envie de dire, allez vous faire foutre, je vais dire Digimon, parce que quand j'étais gamin, je préférais Digimon. C'est oh là là. Pour je trouve moi... Pokémon, c'est... Digimon, pardon, c'est peut-être plus adulte que c'est Pokémon. Plus... En fait, la différence, c'est que Digimon, ça a plus été une série télé, donc il y a une histoire qui est beaucoup plus développée. Ouais. Alors c'est que pas Pokémon... C'est pas parti d'un jeu vidéo. C'est ça. Pokémon, ça sent qu'il n'y a pas d'histoire. Digimon, malgré tout ce qu'on peut dire sur le machin et tout, c'est quand même une série avec une vraie histoire et tout derrière. Qui est même plutôt surprenamment pas trop mauvaise, hein, au final. Non, Digimon, puis... moi je suis pas du tout rentré dedans à l'époque. Donc... Puis le meilleur jeu Pokémon, c'est Digimon World sur PlayStation 1. Déjà, quand même. Déjà que pour un gamin de 14-15 ans, c'était un peu la honte de jouer Pokémon, alors Digimon, c'est... Ah, moi quand j'étais gamin, maintenant je suis plus trop... Mais quand j'étais gamin, Digimon World, j'y ai joué... Plus, enfin j'en ai gardé plus de souvenirs que de n'importe quel Pokémon, je crois. Ah ouais? Ah ouais. C'était le même principe qu'un Pokémon lambda ou... C'était Pokémon croisé avec un Tamagotchi, croisé avec un monde en 3D où tu bougeais librement. Donc, ouais, mais c'était trop lent quoi, comme jeu. J'avais toujours le Pokémon, le Digimon Crotte à chaque fois. Ah ouais, c'est parce que c'était mauvais ça. Bah ouais, je sais. En fait, le temps que tu deviennes fort, il mourrait de vieillesse et fallait. Bah ouais, c'est ça. Moi, je comprenais rien au système de jeu. C'est ça que j'ai jamais compris. Enfin, que j'ai jamais compris. Non, mais c'est... le jeu était ultra dur. Hein. Bizarre, non, ouais, c'était trop dur comme jeu. Ah, c'était plus. Il y avait un bug dans les versions françaises qui faisait qu'on pouvait pas le finir en plus. Histoire de compléter le malaise. Mais c'était impossible comme jeu. Ah, il était atroce, hein. Mais moi j'adore. J'ai gardé le plus système de combat, je comprenais rien. Ouais. J'aurais pu vous poser aussi la question Pokémon ou Jade Cocoon? Oh putain, Jade Cocoon! Pokémon. Alors, Jade Cocoon, mais Jade Cocoon le... c'était cool quand même. J'en ai un vague souvenir, mais ouais, c'était cool. Ouais. Ouais. Tu vas pas nous balancer Azure Dreams quand même après? Non, non, j'y pensais pas. Non, j'avais commencé Jet Cocoon 2 qui était sorti sur PS2. Le 2? Oula, Ouais, j'ai jamais. j'ai. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux du même genre en fait, hein, quand on y J'ai réfléchit. jamais entendu parler du 2. Mais... Bah, il y a Puis Décu les Monster. Dragon Hein. Quest, Ouais, c'est vrai que voilà. ça a pas mal lancé le. Enfin, déjà avant ça existait déjà un peu, mais. Avec le... il y avait... Je sais plus c'est quel Dragon Quest où il y avait des monstres déjà. C'est Dragon Quest Monsters. Ça a Ouais, commencé avec le 4, je crois. 4, Voilà, ouais. Dragon Quest 4, voilà. Ouais. Pokémon ou Inazuma Eleven? Pokémon. Ah. Ah, ah! Pokémon, Pokémon, je largement. connais pas l'autre. Je Moi, sais je pas suis ce que c'est l'autre en tiraillé, fait. tu vois. Oh, Inazuma Eleven, c'est pas aussi riche que Pokémon. Mais c'est trop bien quand même. Oh, c'est trop Bah, répétitif, tu. quoi. T'as... Ouais, mais t'as le même principe, on va dire. Tu dois créer ton équipe, t'as Ouais. deux versions de jeu. C'est vrai. Mais Ouais, quelque mais part, le. c'est toujours le côté JRPG, quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est plus que Ouais, mais Pokémon, c'est le vraiment. côté combat, enfin des matchs de foot, c'est vraiment Est-ce que ça se beaucoup, rapproche beaucoup moins de. profond Moi, que j'ai jamais Pokémon. touché à Inazuma Eleven, mais est-ce que ça se rapproche de Captain Tsubasa, en fait, des jeux Captain Ouais, Tsubasa? un peu. Ouais, bah il y a le côté un peu what the fuck Les fameux jeux de on Super joue au NES foot, mais. qui étaient géniaux. Ou alors C'est vrai on a. qu'on sent quand même un truc commun dans un peu tout ça. Hein. Il y a quand même. On sent que c'est un peu un fils spirituel de Pokémon. Hein. Oui, ouais. Ouais, Bah, bah oui. même dans Il y le a tout chara le côté design, transmédia enfin. Ouais, Et c'est ça. ouais, tout tout le côté transmédia, c'est toujours commercial, pareil. le tour qui est. C'est vrai que c'est une C'est influence qui poussé, s'étend quoi. beaucoup plus loin que juste le merchandising de Pokémon de base, quoi. Ça, c'est assez C'est ça. impressionnant. On pourrait poser peut-être la question pour aller un peu plus loin, Game Freaks ou Level 5? Game Ouf, Freaks. ah, Game Freaks. Juste pour Game Freak. Pokémon. Moi, je suis nul en studio, mais. Bah, Juste pour Level 5, Pokémon, c'est c'est Level 2. Level 5, c'est pas un studio que je. C'est pas un Level 5, studio je que l'ai entendu dire, donc en fait. il a été très hype Oui, voilà. pendant 4-5 ans, et Ouais. C'est quand même. c'est Level 5, retombé c'est quoi? C'est avant, Dragon et. Quest 8, ouais, bon. Donc, déjà, Bah. non. Tu Déjà, oublies, non, c'est pas je possible. pense que tout le monde oublie un peu trop vite la Pucelle Tactics quand même. Hein. Sorti sur PSP à Ouais, mais l'époque, jamais joué. J'y ai développé jamais par. joué, Jamais mais joué. apparemment, il était très bon. Apparemment, il est très bien, mais j'ai jamais joué. Puis Et Professeur Layton aussi, quoi. Layton, Ouais, je suis pas fan, moi. Layton, je suis pas vraiment fan, donc Ils ont quand même c'est commis question de Dragon goût. Quest 8, donc déjà, pour ça, on peut ne pas Et les Dragon Quest remercier. 9? Le 9, il était bien, je suis désolé. Ah non, j'ai pas du tout accroché. Moi, j'ai pas fini. Bon. J'ai pas joué. Bref. D'ailleurs, Dragon Quest 9, encore, hein, le côté plein de petits bonhommes et tout, Bah on ouais, fait hein. ces petits bonhommes, c'est... Après, Voilà. on digresse, je tiens à rappeler à nos C'est un auditeurs qu'on est podcast sur un Pokémon. podcast Mais c'est Pokémon. intéressant de voir que quand même, on arrive à faire un lien avec un peu tout, hein, Ouais, c'est quelque vrai. part. Non, c'est Ouais, vrai. mais Pokémon, c'est l'essence du jeu vidéo japonais. Est-ce que C'est vrai. ça vous aurait plu, vous, d'avoir un, comment dire, un outil de création de vos propres Pokémon? Non. Non. Gamin, ouais. Maintenant, non. Enfin, ça aurait été tellement le bordel. Ouais. Franchement, je pense que la plus mauvaise idée qui puisse arriver au monde pour un jeu Pokémon, et Pokémon Gem, un truc amateur l'a prouvé, c'est d'avoir un jeu avec tous les Pokémon dedans. Ouais, c'est vrai. Ce serait tellement le bordel déséquilibré, ouais, parce qu'on se rend pas forcément compte en y jouant, mais il y a derrière chaque choix, chaque Pokémon, il y a une question de l'équilibre qui est mis en jeu, qui est beaucoup beaucoup plus une question qui est beaucoup plus présente que ça en a l'air au premier abord. Hein. Qui l'a on l'a prouvé, enfin XY l'a prouvé là avec le type fait. C'est ça, ouais. C'est Tu que t'as vois. vraiment. D'ailleurs, XY est très réussi à ce niveau-là, on en reparlera, mais niveau équilibre. Ouais, je suis d'accord. Ou faire un jeu, tu sais, comme qui pourrait être sympa, comme le fameux jeu Safari sur PS3, mais avec des Pokémon à la place. Ouais. Où tu te Là balades encore, dans. Safari? Pokémon Snap Africa, tu 2. veux dire? Africa, Africa, pardon, Africa. excuse-moi. Mais Voilà, c'est ça. est-ce que c'est sorti en Europe, ça? Non, Non, il est jamais. pas C'est sorti. ça, ouais. Moi, je Pokémon voulais une Snap PS3 2. pour ce jeu, mais j'ai acheté une PS3 du coup. Fallait Bientôt, on acheter un aura de la Pokémon saucisse, hein, Second sûrement. Life. Oh, Non c'est mais ça va dégueulasse. venir. Et ils sont allés tellement loin dans les réseaux machin expérience sociale numérique que un jour on va y venir. Hein. C'est Mais pas faux. sur PC, il y a eu beaucoup de modes Y a, ah oui, si on peut parler, de ouais. jeux et tout J'en ai testé beaucoup trop à mon goût, j'ai perdu Moi mon cerveau. aussi, j'en ai fait quelques-uns. Voilà là. Le pire étant sûrement Pokémon Marble avec J'ai pas joué ça. ses créations de Pokémon dégueulasses. Vraiment. Surréaliste, ça m'a rendu dingue. Mais globalement, c'est quand même, c'est dur de faire un Pokémon. Hein. Ça se rend compte en voyant les hacks. Hein. Ouais, C'est ça, C'est ouais. dur d'en faire un bon. Hein. Ça aurait pu être marrant, un mode Pokémon pour Left 4 Ah. Mais il y a un Ça doit truc. exister. Je suis sûr que ça existe. Bah Si oui. on part dans C'est les mods et possible, les conneries comme ça, il y en a un pour Fallout New Vegas qui Qui rajoute des Pokéballs et qui va? permet justement d'envoyer des reskins de monstres qui nous obéissent et qui ressemblent à Génial. des Pokémon, ouais. Non, ce que j'adore, c'est quoi là? Fallout, Pokémon, deux Ah ouais, univers qui putain. n'ont absolument rien à voir. Bah, c'est Mais un peu comme c'est. le Animal Crossing. Non, pas. Mince, comment dans DayZ où ils avaient fait un mode où t'avais la tête du villageois Oh là là, c'est après génial ça! l'annonce après l'annonce de, De la part du du villageois villageois dans dans Smash Smash Bros. Bros. Putain, il faut que je vois ça. Et ils avaient fait ça avec la hache et tout, c'était n'importe quoi. Mais ça collait bien en fait. Mais ouais. Pokémon, ça a quand même atteint, ça se voit justement sur les modes et tout, le même niveau que toutes les plus grosses séries. Quoi qu'on en dise, qu'on aime ou pas, ça a atteint le niveau de tous les Final Fantasy, voire les a dépassés largement. Parce que quand même, oui, puis t'as quand même beaucoup plus de choix en termes de personnages, en termes de Pokémon Ouais. Et puis que dans surtout un en termes Final de Fantasy. popularité, Aussi, parce que. oui, bien sûr. C'est vrai que c'est beaucoup plus accessible qu'un Final Fantasy finalement. Oui. Et puis surtout, il n'y a pas eu, comme il y a eu avec beaucoup de séries hein, japonaises, surtout en ce moment, il n'y a pas eu d'épisode où on a fait oh machin et tout, il est pourri. Il y a eu des moins bien, mais globalement, tout a toujours. Mais c'est parce que quelque part, Pokémon C'est l'opposé de reste Final souvent Fantasy. Ouais, sur les mêmes ouais. c'est bases l'opposé et total de Final Fantasy. Ouais. t'as un rapport à l'histoire et au personnage qui n'a rien à voir C'est ça. aussi. Donc C'est marrant ce que. Ouais. un FF par exemple, ta perception peut complètement changer parce que t'aimes pas tel personnage et t'aimes pas l'histoire ou t'aimes pas le C'est vraiment monde. les deux pôles du jeu du RPG japonais quoi. Là, c'est un peu Il y en a un où c'est que le gameplay et l'autre c'est que l'univers, l'histoire et tout. Et puis on voit les différences que ça fait quoi. on pourrait le rapprocher de Dragon Quest qui pareil garde C'est au fil vrai. des épisodes le même système, le même game design en fait. Et là-dessus, oui, c'est vrai que Même qui si c'est marche aussi plus, bien c'est hein, au plus final hein. cependant du RPG. La structure du jeu change aussi Dragon Quest on va dire le comment dire Au niveau de la narration, ouais c'est surtout là-dessus que ça change. Mais voilà le game design en lui-même, oui c'est le c'est vrai même. que ça reste C'est la vrai même que chose Pokémon, c'est quand même illustré par le fait de réussir à créer des nouveaux jeux juste en changeant les personnages. Enfin, juste en changeant les méchants, quoi, quelque part. oui Et ça, c'est quand même sans, assez sans balèze, hein. histoire vraiment quoi parce que et comme tu le disais toi tu as moins apprécié le noir et noir 2 blanc 2 ou même le noir et blanc alors il apporte énormément d'innovation alors que tu préfères Eh oui. les anciens épisodes qui finalement conservent la recette initiale Ouais, du c'est jeu ça, quoi. parce qu'en fait, Pokémon, c'est un peu, pour moi, c'est un gros coup de bol qui fait que le premier épisode a trouvé l'équilibre parfait direct. Bah, toi, ils ont mis 6 ans à le trouver hein, l'équilibre. C'est pas Mais en fait, évident. ils ont mis 6 ans à y revenir. Ouais, c'est ça. Ils ont mis 6 ans à le trouver d'abord, et puis après, ils ont remis 6 ans à revenir sur l'équilibre parfait. C'est même plus, ils ont mis 10 ans à revenir dessus, en fait. Facile. Enfin bref, pour moi, bleu et rouge, c'est encore un modèle aujourd'hui sur. C'est un canon, quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, on peut peut-être finir là-dessus, mais lequel des Pokémon est votre Pokémon préféré? C'est Pourita, on le sait. Tu nous Platine, l'as dit tout à l'heure. ouais. C'est assez compliqué. Moi, je dirais la version rouge, mais est-ce que c'est la toute première? Mais en même temps, j'étais très fan aussi de la version blanche, donc la cinquième génération. Donc ça joue entre les deux. Moi, je dirais bleu et rouge parce que je suis, malgré moi, tombé un peu trop fort dans l'univers du speedrun et il faut avouer que j'ai retrouvé un espèce d'attachement au jeu. Justement à travers des speedruns de bleu et rouge qui sont quand même assez Après dingues. bleu et rouge, ça reste quand même assez chaud de s'y remettre parce que Ouais, bon, c'est c'est très moche, le texte est justement. lent, Et le système de combat et tout. Voilà, Enfin, le c'est système ça. de jeu. Mais c'est justement le fait justement de m'être penché un peu, d'être intéressé, d'avoir des connaissances qui sont dans le speedrun du jeu qui donne un. Je l'ai recommencé plein de fois, mais je Qui l'ai a pas donné fini. Mais un je l'ai pas second fini souffle au tant. jeu, hein. Je l'ai pas fini Ouais. tant que fois en fait. En plus, ouais, c'est peut-être plus de l'attachement. Je le referai peut-être pas, mais niveau attachement, c'est carrément C'est bleu et ça. rouge. Oui, Hein. voilà, pareil, à Moi, ce niveau je attachement dirais aussi. rouge aussi, parce que j'ai des souvenirs qui sont liés Ah oui. à cette version, en fait. C'est ça. Genre la forêt de Jade, Le Kabutops des trop moments fort. du La capture jeu. de Mewtwo. Ouais, c'est vraiment Et comme tu dis, je l'ai recommencé plein de fois aussi. Et c'est vrai qu'il y a très peu de. Enfin, je l'ai fini assez peu de fois au final. Bah, Je globalement, crois que je c'est l'ai fini dur à qu'une fois, recommencer. hein. Les Pokémon, c'est Mais. dur à recommencer. Hein. Ouais. Ouais, mais Ouais. moi j'aime bien justement le début des Pokémon à Moi chaque fois. aussi. Quand j'étais Et gamin, je j'aime bien les recommençais souvent. recommencer. Et Et pas c'est les rare que finir. au bout Déjà, d'un moment, rien que la voilà. musique du Bourg-Palette, moi, c'est quelque chose, mon truc. Le seul que j'aime pas recommencer, c'est Blanc et Noir, parce que c'est trop trop long le début. Oui, C'est ouais. Et tellement long. ben, ouais. C'est à partir de blanc et noir, même, je dirais. Ouais. Parce que noir, blanc 2, XY, c'est la même histoire. Ça Ouais. devient vraiment lourd. Moi, je dirais bleu également. T'as vraiment un côté arcade, quoi. Alors, c'est pareil, moi j'ai joué qu'à bleu et jaune et à noir et blanc. Bah, le noir, pardon. Mais du coup, même par rapport au jaune, je mettrais le bleu au-dessus parce que les contraintes du jaune sont un peu dommageables par rapport au jeu, quoi. Et le bleu, je pensais pas. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps dessus, et notamment, je pensais pas être autant attiré par le côté complétion, c'est-à-dire le côté collection, avoir tous les Pokémon, faire tout le Pokédex. Attrapez tous. Et passer autant de temps dans le parc Safari pour notamment choper cette saloperie Oh putain, ouais, t'es super chaud. Mais il me de semble que y a une version où c'est un peu plus facile de le trouver. Enfin, Possible, ouais. ouais. Il y a eu beaucoup de petites magouilles. En fait, c'est un truc aussi qui a fait qu'à l'époque, dans les cours de récré, c'était la folie, c'est que Pokémon, il y a plein de trucs qu'ils ont pas dit. Il y a Il y a 36 000 énormément de calculs de trucs cachés. valeur, ouais, des capacités cachées Ouais. qu'ils ont jamais dit. Et du coup, c'est vrai que ça a participé sûrement au phénomène, hein, déchaîner les Et foules un puis peu. c'est là où en plus c'est arrivé au bon moment, c'est-à-dire avec l'émergence d'Internet, où il y a eu énormément de sites d'un coup sur Pokémon Ça, avec oui, des ça guides coïncidait stratégiques pour vraiment Pokédex et avec tout. ça. C'est vraiment le bordel, hein. Pour le coup, et pour s'y retrouver, il y a une mine d'informations importante, quoi. Pokébip, Pokémon Trash, Wikipédia. Oh là là. Smogon pour les tarés. Ouais. C'est-à-dire, c'est. C'est pour le compétitif. C'est le metagame, ouais. C'est le site officiel de référence, un peu. Enfin, pas officiel, mais de référence vraiment pour. Officieux, on va dire. Voilà. Et Pour tout le ce qui monde est les met. suit. Avec ce Pokémon dégueulasse qui est Smogon. Smogo, Bon, ouais, Smogon. classe. Il est classe. Enfin, bref, voilà. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Hein. On a Oula, quand même ouais. Ouais. balayé. Oui, bien, ouais. Même parler des épisodes spin-off, même si on a oublié de dire que Pokémon Dungeon Mystery, je crois que c'est le dernier sur 3DS, n'y jouez pas, c'est Ça, c'est nul, très c'est très mal. lent, il y a trop de blabla, c'est Testez la démo, il faut injouable. juste tester la démo pour comprendre C'est clair. que je pense que c'est le jeu le plus lent que l'histoire du jeu vidéo nous a mis entre les mains, quoi. Et le plus C'est fade. vrai. Vraiment, J'y ai pas touché, donc je sais pas de quoi vous Moi, parlez. j'ai Non, essayé mais la c'est démo, bon, pareil, j'ai j'ai pas réussi. l'impression que j'ai rien raté. Ne touche pas Pourtant, surtout. j'adore la série de jeux dont c'est inspiré, mais là, j'ai pas pu. C'est triste, voilà, C'est un c'est nul. échec. Voilà, vaut mieux aller sur les épisodes Ah, c'est de la merde, on peut dire. principaux. C'est de la merde. Et vous y retrouverez, notamment en termes de temps de jeu, en termes de choses à faire, et toujours, de toute façon, dans les Pokémon, dans les différentes générations, même la sixième, qu'on évoquera, dans une prochaine émission. Mais il y a toujours plein de choses à faire, et ne serait-ce que par le principe même de capturer les Pokémon, voilà, au-delà de l'histoire, on a vu que c'est pas la chose la plus Il y importante, en a mais pour des heures et des heures. voilà, ne serait-ce que pour créer, avoir son équipe ultime, celle qu'on veut absolument avoir, il y a quand même beaucoup de travail et beaucoup d'ajustements à effectuer pour la créer. Du sang, de la sueur, des larmes, tout Ouais, et ça, ça, tout ça. c'est des points qui sont surtout importants et intéressants à voir dans X et Y, justement. C'est-à-dire pour. Au niveau de la progression et tout, mais c'est des points sur lesquels il faudra vraiment revenir pour en Et on en parlant de X et parlera plus Y. Ouais, tard. c'est ça, ouais. C'est vraiment des points qui seront plutôt abordés là-bas parce que. C'est devenu vraiment, ça a pris une part beaucoup plus importante. On aurait même pu évoquer les tournois qui existent, qu'on n'a pas fait, mais il y avait Tournoi Toys R Us. il y avait le tournoi l'année dernière, c'est le tournoi à la Défense, c'est ça? Qui avait eu Sûrement, lieu, C'est le le tournoi qui s'est tournoi en organisé par France. certains sites aussi. Ouais, j'avoue que Enfin, les tournois. c'est des. Ouais, mais Ouais, ça atteint la dimension des. multijoueur m'échappe un petit peu, hormis des échanges, personnellement. Oui. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est ce que disait. On va finir là-dessus, mais ce que disait Satoshi Tajiri quand il s'est intéressé en fait au câble Link, parce que bon, pour la petite histoire, l'idée lui est venue parce qu'il a vu une petite bestiole grimper, un petit insecte, pardon, grimper sur le câble Link de sa console. Et en fait, lui, donc, il voyait le câble Link non pas uniquement comme une façon de se battre contre un autre joueur, hein, comme il pouvait y avoir sur un Tetris, mais aussi une façon de compléter ou de voir plus le côté complétion qui pouvait avoir lieu Côté via. social, ouais, vraiment, tu sais que Exactement. Entre les joueurs Pokémon, c'est une expérience sociale, ça c'est fou. qui pouvait être très très intéressant aussi, au-delà du simple fait du 1 contre 1, il y avait Il y avait la possibilité que l'un et l'autre enrichissent le Pokédex de l'autre via les deux versions qui existent à chaque fois, C'est-à-dire quoi. que le c'est-à-dire que le multi, les combats en multijoueur, que ce soit en ligne ou comme ça, c'est un autre monde en fait. Ouais, c'est Oui, ça. c'est. C'est indépendant du jeu totalement. Hein. Je veux dire, le fait que tu sois maître Pokémon dans le jeu ne change rien. Tu n'es qu'une sous-merde quand tu C'est commences. ça en plus. C'est ça. C'est vraiment un Tu milieu particulier, ouais. peux être le maître Pokémon du jeu et avoir passé des heures et avoir une équipe super super cool dans le solo. Par contre, Elle voilà, vaut rien en ligne. par contre en ligne, voilà, tu débarqueras toujours comme une sous-merde, quoi. Et il faut Faut s'y faire. ouais. C'est ouais, tu peux bah de toute façon tu peux apprécier Pokémon sans. Bah moi personnellement, c'est ce que je fais, hein. Moi, Pareil. les combats en ligne, ça me dépasse un peu, quoi. Mais c'est ça aussi la grande force de Pokémon, c'est que tu peux l'aborder de plein plein de C'est façons ça. différentes, quoi. Ouais. Le jeu est très accessible, mais d'un côté suffisamment profond pour que, je veux dire, n'importe beaucoup de gens Pour que accrochent, les enfants puissent jouer, pour tout que le les monde enfants puisse puissent jouer. jouer, et puis pour que une fois qu'ils sont devenus plus grands et Ouais. plus C'est on en est la ça, preuve, hein. ouais. C'est ça. Oui. C'est terrible, hein. Et ben, je pense que c'est sur ces sages paroles, hein, que nous allons terminer cette émission. Donc cette saga sur la série Pokémon, qui finalement reste dans des délais finalement Pour tout le bordel qu'il y a à dire, On a assez fait normaux, normaux, ouais. oui. On a fait bien pire. On a fait tellement pire, c'est Notamment un sûr. certain podcast sur la Voilà, entre autres. Wii. Ouais, mais celui-là était. En fait, c'était trois émissions différentes, donc. Trois émissions, mais les trois étaient chargées. Exactement. Donc voilà, ben, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment auquel vous écoutez cette émission. Merci d'avoir écouté 3 heures. Ouais, Exactement. Et bravo. Merci à nos en tout cas, c'était très merci à nos intéressant. On 10 remercie. auditeurs. Merci On à vos remercie 10. ce soir. Ouais, on en a 10 maintenant. On remercie On avait encore. 3, mais. On remercie encore Gallium, on remercie Lugar, on remercie évidemment Kurita et Oui. De rien, c'est un également pour plaisir. Ouais. Skao, parce que Skao aurait aussi eu Il énormément de était choses là par la à. pensée. Mais Mais il oui. devrait Voilà. être là pour la deuxième partie. Il était là dans nos cœurs. Bah, je Il pense était dans, que. il vivait dans nos cœurs, voilà. Et ben voilà, on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt. Au Salut, ciao. revoir. Salut. Pika, pika.